que je vais certainement citer pas mal d'exemples qui sortent du monde du commerce. Ça a l'avantage que, comme tout le monde fait ses courses, tout le monde sait de quoi on parle si je parle d'un pot de Nutella, non? Probablement surtout ce genre d'auditoire. Je vais parler beaucoup d'exemples de ce type-là parce que ça parle à peu près à tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de venir donner ce cours? Vous trouverez mon CV résumé là. Je suis sorti en 1977 de Solvay et après un passage dans la finance, j'ai la plupart du temps travaillé dans le monde du commerce. J'ai travaillé 10 ans pour une entreprise qui s'appelait JCPenney. Ouais. Ça veut dire aussi que, et en particulier dans la discipline que j'enseigne, qui est le marketing, il y aura beaucoup de mots de franglais. Hein. Je suis désolé. Déjà, le mot marketing, j'aurais pu dire un cours de mercatique, mais je ne suis pas sûr que ça aurait parlé beaucoup à qui que ce soit. C'est la traduction officielle du mot marketing. Et donc, on va avoir de temps en temps des mots d'anglais. Et puis, j'ai créé une entreprise de consultance, qui s'appelle Talk Europe, et qui travaille dans la consultance et la formation, en particulier dans les domaines du marketing stratégique et en particulier encore dans le secteur du commerce, chez des clients comme Carrefour, Deleuze et autres points de vente de non-alimentaires. Ça fait que j'enseigne depuis 1995, je pense, mais je mets à jour mes notes chaque année. Donc, les notes de l'an dernier, vous pouvez les jeter à la poubelle, on va faire autre chose. Je mettrai dès aujourd'hui, probablement lors de la pause, les notes que vous allez voir sur la plateforme Université Virtuelle, ce qui vous permettra d'y accéder. Donc allez voir. J'y mettrai aussi, parce que ça me semble nécessaire chaque fois que je retourne ici, vous êtes dans une section qui appartient à la faculté des lettres, et dès lors, vous n'avez pas eu la culture, souvent la culture de, ben, par exemple, de la lecture du bilan d'une entreprise. C'est quoi le profit? C'est quoi une marge bénéficiaire? Alors, ne laissez pas passer des termes comme ça ou des notions comme celle-là sans poser des questions. Si ça se trouve, je vais peut-être d'ailleurs faire une ou deux heures de cours pour vous expliquer comment on lit un compte d'exploitation et quelles sont les grandes masses qui interviennent, parce que nous allons faire ensemble des exercices, et notamment au moins une étude de cas qui va vous obliger à vous poser des questions sur la rentabilité de certaines actions. En marketing, évidemment, on choisit des stratégies qui permettent d'assurer la pérennité de l'entreprise. La pérennité de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle crée de la valeur chaque année. Si elle ne crée pas de la valeur chaque année, ça veut dire qu'elle en perd. Et si elle perd de la valeur chaque année, ça veut dire qu'elle épuise ses fonds propres et que donc, au bout d'un moment, elle va disparaître parce qu'elle ne sera plus payée au personnel et ses fournisseurs. Alors, tout ça, c'est peut-être un peu de l'hébreu quand je vous parle de ça. Mais justement, je crois qu'il est nécessaire de comprendre ça pour savoir pourquoi on fait du marketing. OK? Alors, je vais sans doute faire une heure ou deux là-dessus. Et alors, je mettrai sur la plateforme, c'est un fascicule que j'ai pondu un jour, pour aider précisément des étudiants comme vous qui n'ont pas cette culture de l'entreprise. J'ai mis toutes les formules qu'on utilise typiquement dans le monde du commerce. Oh, rien de très compliqué, rassurez-vous. Mais quand, je ne sais pas, le boucher, votre boucher favori achète sa viande à 6 euros le kilo et qu'il vous la revend à 19, quelle est la marge bénéficiaire qu'il fait? Eh bien, ça, c'est le genre de calcul qu'il faut savoir faire, évidemment. Parce que, malheureusement, quand on voit comment est traité ce genre d'informations par les journalistes, dans les journaux ou à la télé, c'est absolument dramatique. Parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Du genre, le boucher qui multiplie le prix d'achat par 1,8 pour avoir son prix de vente, Eh bien, le journaliste va vous dire que Taylor fait 80% de marge, ce qui est mathématiquement complètement faux. Et qui pousse les gens à penser que le boucher puisse être un foutu voleur. Ce qui est absolument pas vrai, parce que s'il fait fois 1,80, en fait, il va faire probablement, compte tenu de la TVA, parce que ça existe en Belgique, il va faire probablement du 35-37 de marge. Ce qui est normal, puisque chaque fois qu'il vous coupe un steak, il doit d'abord enlever du gras qu'il va jeter, il doit d'abord enlever des os qu'il va jeter, et tout ça, c'est de la perte. Donc en gros, sa marge du bénéficiaire va être de 30-35%. Ce qui est tout à fait normal, ça lui permet de payer ses ouvriers, son loyer et l'énergie de ses frigos. Et peut-être d'en tirer un petit bénéfice qui lui permet de vivre. Alors quand on dit que le boucher fait 80% de marge et que c'est scandaleux, moi j'aimerais bien que ça ne se passe plus du tout dans le monde du journalisme aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais vous expliquer deux, trois calculs comme ça. On va travailler sur un cas qui s'appelle June Blair et qui est le cas d'une entreprise qui se fait qu'elle est américaine comme ça, ça vous fera voyager un petit peu et qui est, elle vend de la peinture c'est une entreprise industrielle qui fabrique de la peinture. Voilà, ça c'est le cas que nous attendons. Si on a le temps, on en fera peut-être un deuxième celui-là je pense que ce sera un cas sur un marchand de pinard. Et donc voilà, je trouve que c'est un domaine intéressant. Bien, alors, mes objectifs, c'est que vous puissiez aborder vos cours de commu en sachant ce que c'est qu'une cible, un positionnement, une segmentation et une stratégie. Donc on va travailler le marketing stratégique essentiellement ensemble et je vous donnerai deux, trois notions de marketing opérationnel. On va évidemment devoir parler par exemple de la notion de prix. Comment est-ce que je calcule mon prix? C'est quoi une stratégie de pénétration? C'est quoi une stratégie d'écrémage? Voilà toutes des choses qu'on va voir ensemble avant que vous n'entriez dans le processus de maintenant, comment est-ce que je vais faire savoir que mon produit est le meilleur? Comment je vais faire savoir que mon entreprise est la plus formidable? Comment je vais faire savoir que dans mon théâtre, il y a des choses fabuleuses qui se passent pour les futurs spectateurs? Ok? Pour ça, il faudra d'abord se doter d'une stratégie. Et puis alors, on va beaucoup parler aussi de comportement du consommateur. Et on va parler aussi de comportement d'achat, parce qu'il n'y a pas que la vente de produits de grande consommation. Quand une entreprise de conseil d'ingénierie fait une prestation de conseil pour une entreprise publique qui va construire un pont sur une autoroute, cette entreprise de conseil a une démarche marketing d'attaque du marché, de conviction des clients potentiels de façon à ce que ces clients potentiels fassent usage de ces services de conseil. Et donc là, on est dans une relation entre entreprises. On appelle ça du B2B, business to business. Okay? Par opposition au B2C qui est business to consumer. Eh bien, on va voir également comment on peut traduire la démarche marketing, du marketing stratégique, dans un monde de relations entre entreprises. Quand vous devez aller en tant que théâtre ou en tant qu'institution culturelle ou musée chercher des subsides auprès d'un ministre, eh bien, c'est une relation de business to business aussi. Lui, il a un budget, il va devoir allouer son budget en fonction de ses idées politiques, j'espère. Vous avez à le convaincre que votre proposition est la meilleure par rapport à ses objectifs. C'est faire du marketing aussi. D'accord ? Ce qui vous indique déjà que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le marketing ne se limite pas à faire de la pub pour des poudres à lessiver dont personne n'a besoin. Le marketing est une manière de penser, une démarche qui peut s'appliquer dans énormément de domaines, et je vais vous en citer un qui vous concerne. Quand vous sortirez du master en gestion culturelle, en art du spectacle ou en lettres et communication, vous aurez un produit à vendre. Vous. Eh bien, bien. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi appliquer la démarche du marketing en vous disant quels sont mes objectifs stratégiques, qui j'ai envie d'être, quelles sont les cibles que je pourrais viser. Ah, mais parmi toutes ces cibles, il y en a qui m'intéressent beaucoup, il y en a qui m'intéressent moins. Alors, celles qui m'intéressent beaucoup, je vais tâcher de les attaquer. Celles-là, de quoi est-ce qu'elles ont besoin en particulier comme personne? Tiens, ils ont peut-être besoin de ça, ils ont peut-être besoin de ça. Alors, moi, je vais me présenter avec un positionnement qui dit « Engagez-moi, parce que moi, je vous apporterai cette solution-là par rapport à vos besoins. » Et puis, il faudra le faire savoir. Donc, vous allez peut-être rédiger une lettre de motivation, qui est une technique de communication marketing comme une autre. Et puis, quand ils l'auront reçue, vous vous rendrez compte que ça ne vous a pas différencié des autres. Elle est tombée avec toutes les autres. Donc, peut-être que la suivante, vous allez en faire une qui sort d'une autre, qui se différencie. Et pour se différencier, peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, la faire sur du papier rose, ou sur un cylindre, ou sous forme d'une cassette vidéo, ou d'un YouTube, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous voyez, tout ça, c'est fait du marketing. Et de la communication politique. La communication politique, elle peut être alimentée par la réflexion marketing aussi. Alors, on va. C'est mon confrère de règles qui va certainement vous parler beaucoup plus que moi de cela. Mais. Idéalement, elle est aussi basée sur une réflexion stratégique qui se pose des questions par rapport aux cibles, aux besoins, aux attentes et aussi au fit qu'il peut y avoir entre mon option politique et les besoins et les attentes des gens, évidemment. Où est-ce que je vais trouver la pièce qui va faire le chaînon? D'accord? J'ai une de mes étudiantes en lettres de communication qui a fait d'ailleurs un mémoire l'an dernier sur la communication, comment réorienter avec une démarche stratégique la communication marketing d'une parlementaire bruxelloise qui voudrait avoir plus de voix l'an prochain. Voilà. Donc, oui, ça peut s'appliquer au monde politique, bien sûr. Ça peut s'appliquer, j'ai beaucoup travaillé avec des villes et communes, par exemple. Une ville peut se dire, de quoi est-ce qu'elle vit une ville? De ses habitants. Et donc, elle doit pouvoir apporter des services à ses habitants. Des espaces verts, des écoles. On vient sûr parler de ceux qui viennent dans la ville. Ah, bien sûr, et donc il y a deux types de clients déjà. Il y a ceux qui y habitent et il y a ceux qui n'y habitent pas. Et donc, là, on parle de segmentation. Et les uns ont des besoins et les autres ont d'autres types de besoins. La ville doit dès lors penser à des solutions qui va apporter des solutions pour les deux segments. Mais il faudrait aussi qu'elle se dote d'une pensée majeure en se disant, j'ai envie d'être quel genre de ville? Une ville qui est un village ou une ville qui apporte du travail de type industriel parce que ma population est une population peu qualifiée et on a besoin de travail, de cuisine pour que ces gens aient du boulot et qu'ils puissent avoir un revenu qui va m'apporter des revenus au travers des impôts locaux qui va me permettre de continuer à moderniser la ville. Voilà. Eh bien, ça, on peut doter une ville d'une stratégie marketing. Alors, j'ai fait ça pour la ville de Charleroi, j'ai fait ça pour la ville de Saint-Guilain, j'ai fait ça pour la ville de Tournai. Voilà, on a des stratégies marketing possibles pour des gens comme ça. Donc, vous voyez, la démarche marketing, ça peut s'appliquer à des tas de domaines, y compris à des domaines qui vous sont très, très forts. OK ? Donc, ne confondez plus, à partir de maintenant, mais vous allez voir que je vais beaucoup insister, ne confondez plus marketing et publicité. Je vous montrerai dans un instant où la publicité se trouve dans la démarche. Alors, notre plan... Notre plan sera... aujourd'hui, on va parler beaucoup de définitions, de contextes, etc. Moi, les définitions, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est très dogmatique, c'est très normatif. Et on vit dans un monde où bouge tout le temps. On vit dans un monde qui est fait d'incertitudes. On vit dans un monde où rien n'est ni blanc ni noir, mais tout est gris. Et d'un gris pâle aujourd'hui et d'un gris foncé demain. Donc, une définition, c'est quelque chose de tellement figé que ça ne m'intéresse pas trop. Néanmoins, on est quand même obligé de tâcher de délimiter dans quelle pièce on joue. Et donc, je vais vous donner quelques définitions du marketing, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui m'amène déjà à vous dire que, parce que c'est une question que j'ai toujours au premier cours, comment se passera l'examen ? Bien. Ce sera un examen écrit parce que vous êtes trop nombreux pour faire un oral. Ce sera un examen au cours duquel je vous poserai 3-4 questions, peut-être 5, ça dépend, dans lesquelles je vous mettrai face à des situations que vous n'avez jamais vues et je vais vous demander d'appliquer la démarche marketing. Okay ? Je vais vous demander de me montrer que vous avez pigé, que vous avez compris. Ne me régurgitez pas le slide numéro 47 de mon cours. Votre mémoire ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre intelligence. C'est votre capacité à comprendre et à appliquer avec flexibilité à des cas que vous n'avez jamais vus. C'est ça qui est intéressant dans la vie, non ? Donc voilà. Tenez-le vous pour dit, je vous le répéterai certainement encore parce que vous allez certainement encore me poser la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre manière, votre capacité à mettre en œuvre la démarche qu'on a apprise ensemble. Et pour ça, on va voir des tas d'exemples, un peu des tas de situations, de façon à ce que, en général, mes questions, je les pose sur base de ce qui s'est passé dans la semaine. J'ai lu dans le journal que, j'ai entendu une nouvelle qui dit que, et je vous dis, tiens, par rapport à ça, l'an dernier, j'ai posé une question sur le piétonnier de Bruxelles, le piétonnier du centre de Bruxelles, a acquis d'emblée une très mauvaise image auprès d'Intergent. Le bourgmestre a décidé de nous engager pour redorer l'image du piétonnier du centre de Bruxelles. Quelle segmentation marketing allez-vous faire pour ça ? Voilà. C'était une manière d'appliquer tout de suite sur un cas vivant, brûlant de l'actualité, la démarche marketing. Ensuite, nous allons passer à des éléments de stratégie. On va parler d'analyse SWOT, on va parler d'analyse SLEP, on va parler de force de porteur. On va parler d'études de marché. Tout ça sont des grands mots pour pour nommer des manières de penser structurées. En fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est simplement essayer de prendre les choses par le bon bout et d'avoir une systématique structurée qui permette de dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on dise cette semaine vos pâtes Barilla sont à 4 plus 2 gratuits ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce truc-là ? Qui est une bêtise entre nous, hein, parce que ça veut dire qu'on réduit son prix, donc on diminue sa marge bénéficiaire, hein, ce qui veut dire qu'on gagne moins d'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien pour ça, il faut remonter beaucoup plus haut et il faut appliquer une démarche consciente. Tiens, à propos, si on fait 4 paquets de pâtes plus 2 gratuits, quel est le taux de réduction de prix qu'on fait ? Quelle est la ristourne qu'on vous a fait quand on fait ça ? Allez. 50% qui dit moins, qui dit plus ? D'autres réponses ? Tout le monde est d'accord avec 50% ? Non, vous dites non ? C'est 33 ? Elle dit 33, vous dites 50. C'est combien ? Alors, il y en a un qui est pété à l'examen. Hein. En l'occurrence, c'est vous. Non, bien sûr. Mais vous inquiétez pas. Je vous taquine là. Je facultative. Mais c'est pour ça que c'est une forme de communication qui marche très très bien. Parce que tout le monde croit qu'il y a 50% de ristourne. Alors si vous faites un peu le compte, vous vous retrouvez avec 6 paquets. D'accord ? Sur les 6 paquets, il y en a combien qui sont gratuits ? 2. Donc vous avez 2 sixièmes gratuits. Donc 1 tiers. Donc 33%. Mais c'est parce que beaucoup de monde calcule mal qu'en fait ce genre de publicité fonctionne très très bien. Vous comprenez ? Donc, il y en a 2 sur les 6 qui sont gratuits. 4 plus 2 gratuits, absolument. Et donc on fait 2 divisé par 4 égale 50%. Mais non, c'est pas comme ça. Hein, c'est 2 divisé par 6, puisque sur les 6 qui se trouvent dans votre caddie, il n'y en a que 2 gratuits. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une technique de communication sur laquelle on travaille sur le prix. La présentation du prix fait que les gens se ruent pour acheter des pâtes marines. Est-ce que c'est bien ? Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. J'ai mon éthique, croyez-moi, elle est développée. Et je ne vous pousserai jamais à faire des choses qui ne le soient pas. Si par contre, vous pouvez constater que vous vendez 200% de vos volumes habituels en montrant votre prix de cette manière-là, ben, je vais certainement vous recommander de le faire. Oui. D'abord, c'est assez rare. C'est assez rare. Ça existe, mais c'est assez rare. Le problème, c'est que, justement, les journalistes ne regardent que ces petites exceptions-là et les tournent en montagne de façon à ce que tout le monde croit que tous les marchands sont des voleurs. Ce qui, manifestement, sera le cas. Ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Je peux vous dire que le jour où un client se rend compte de ça, aujourd'hui, avec les moyens de réseaux sociaux qu'on a, ça fait, on passe un très mauvais quart d'heure en tant que commerçant. Et donc, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mais ça arrive de temps en temps. Mauvais calcul. Où il serait que le prix proposé par le fournisseur ne correspond pas au prix généralement appliqué par le retailer et que l'acheteur a pas regardé. Mais normalement, ce sont des exceptions. Normalement, ce sont des exceptions. Par contre, il y a parfois des choses bizarres. Si vous regardez un peu les prix, vous connaissez Monsieur Propre ? Alors, lequel on achète quand on achète Monsieur Propre ? Ben, le best-seller, c'est le 2 litres. Vous voyez, une grande bouteille de 2 litres. Mais il existe aussi un modèle à 1 litre. Alors, à votre avis, logiquement, lequel des deux devrait être le plus cher au litre ? Le 1 litre, pourquoi ? Ah, il y a plus de plastique proportionnellement pour le 1 litre, puisqu'il y a une bouteille par litre, que pour le 2 litres. Donc il y a plus d'emballage. Donc en théorie, le 1 litre coûte plus cher en production, en tout cas. Eh bien, avez-vous remarqué que le plus cher au litre, c'est le 2 litres. Pourquoi ça ? Ben, simplement parce que le producteur, qui est Procter & Gamble, a remarqué que les gens achètent systématiquement le 2 litres. Et s'ils sont prêts à payer un prix plus élevé pour le 2 litres parce que c'est le modèle qui leur plaît le plus, on est dans la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes pour le 2 litres, donc on peut augmenter le prix. Et effectivement, le prix du 2 litres est plus cher au litre que le 1 litre. Ce qui est illogique en matière de coût, mais ce qui est très logique en matière d'offre et de demande. D'accord ? Donc oui, regardez les prix. C'est intéressant. Bien, on va parler aussi d'études de marché. Et on va parler d'études de marché, pourquoi ? Ben parce que je dois vous donner au moins 2-3 idées pour éviter que vous vous fassiez entuber. Parce que il y a tellement de boîtes d'études de marché sur le marché qu'elles se font une concurrence effrénée et que donc elles baissent leur prix et que donc elles perdent de la marge et que donc elles essayent de récupérer cette marge sur quelque chose. Et donc, ce sont beaucoup d'entreprises assez requins qui font des trucs qui sont à la limite de l'éthique et qui vont vous dire, par exemple, on va faire 1000 contacts, en fait, ils font 300 interviews et ils multiplient les résultats par 3. Statistiquement, c'est pas juste. Et puis, ils vont vous dire des choses comme, ah ouais, vous voulez pénétrer le marché français, ah ouais, d'accord, mais en France, il y a 10 fois plus de... il y a 6 fois plus, pardon, de population qu'en Belgique, donc l'échantillon doit être 6 fois plus grand. C'est statistiquement pas vrai. Et donc, je voudrais que vous ne vous fassiez pas entuber par ce genre de choses. C'est pas vous qui allez faire les études de marché. Quoique, j'ai chaque année des étudiants qui font un mémoire et qui se mettent à dire voilà, on va faire une étude de marché, on va aller demander au consommateur son opinion. Et donc, ils débarquent avenue de l'université, ils interrogent 30 personnes qui, quand on regarde après, comme par hasard, ont tous entre 20 et 25 ans, ont un parcours universitaire et habitent Boudal, et sont francophones, et ils en tirent des droites des moindres carrés, des moyennes, des écarts types, des variances, des quartiles et des taux de corrélation. Ça va pas, hein, ça. Donc, je vais vous obliger une certaine rigueur dans ce genre de truc. OK ? Je sais bien qu'interroger 1200 personnes, c'est pas à la portée d'un étudiant mémorant, évidemment. Alors, faites des choses qui sont faisables. Vous lancez pas dans du quantitatif, sauf peut-être des enquêtes par voie d'email auprès de personnes très, très concernées, très pointues, donc pour lesquelles vous allez avoir 70% de taux de réponse. Ça peut se faire. Mais interroger 1200 personnes dans la rue avec un échantillon statistiquement représentatif, c'est pas à la portée d'un étudiant qui fait son mémoire, surtout qu'il le fait généralement en 2 mois. Hein? D'été, où il n'y a que les étudiants recalés dans la rue. Et donc, c'est clair qu'il faudra un peu plus de rigueur que ça. Voilà pourquoi on verra les études de marché. On va parler beaucoup du comportement d'achat, je vous l'ai dit, des consommateurs et en B2B. On va parler de la démarche de différenciation, ça c'est le cœur du propos de la démarche marketing, segmentation, ciblage, positionnement. Et puis les 7 P, on va peut-être encore parler des 7 P, ou des 8 P, ou des 4 P, ou peut-être qu'on va parler d'autre chose cette année-ci, parce que il y a une série d'articles qui sont parus dans la Harvard Business Review l'an dernier et qui démontrent une adaptation de la théorie du marketing mix à la réalité d'aujourd'hui. Qui a un smartphone sur lui aujourd'hui? Bon ben voilà, ça fait déjà qu'il y a un moyen de communication pas tellement nouveau, mais qu'aujourd'hui tout le monde utilise, 66% des Belges en moins, hein, et 80% de ceux qui achètent un nouveau moyen de communication portable, ce sera un smartphone. Eh bien, aujourd'hui, dès lors, on a un accès privilégié à chaque personne, et donc ça modifie singulièrement toutes les perspectives de communication marketing et du marketing mix aussi. Et donc, il est probable qu'on applique plutôt cette année-ci le modèle SAVE, S-A-V-E, je vous en parlerai, in due time. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler des choix de canaux de distribution. Est-ce que je vais vendre au travers d'Internet ou est-ce que je vais vendre dans un point de vente? La question se pose même pour un théâtre ou un cinéma. Est-ce que je vais obliger les gens à venir rechercher? Vous êtes le directeur du théâtre Royal de la Monnaie. Ok? Moi, j'ai connu une période où, chaque année, quand on lançait le programme, il y avait des gens qui campaient devant la Monnaie pour pouvoir avoir des billets. À la belle époque de Mortier, c'était de Mortier, pardon, c'était fréquent parce qu'on vendait des tickets d'abonnement pour la monnaie que au guichet de la monnaie, place de la monnaie. Aujourd'hui, ce genre de perspective est complètement stupide. On peut acheter des tickets pour la monnaie sur votre smartphone maintenant à distance. Et donc, le canal de distribution a complètement changé. Ah oui, mais ça implique pas mal de choses, ça. Ça implique que je dois pouvoir expliquer sur son smartphone qui seront les chanteurs, qui est le metteur en scène, et combien de représentations il va y avoir. Tout ça sur un écran tout petit, et pas dans une brochure ou sur une affiche. Donc, le fait de choisir un canal de distribution va m'obliger à communiquer de manière différente. Et puis, ensuite, on va aborder la communication marketing et la vente. Parce que, oui, même quand on est une institution culturelle sans but lucratif, il faut vendre. Ne fût-ce que vendre son idée à un ministre qui va financer le trou qu'il y aura dans le compte d'exploitation. Et donc, l'acte de vente est un acte noble, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On va voir comment on peut se débrouiller pour le faire. Voilà tout ce qu'on va voir ensemble cette année, à partir de maintenant. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Des réactions à ce stade? Des remarques? Des suggestions? Des critiques? Eh bien, si vous n'en avez pas, on peut se lancer alors. Oh, baby. Ça, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer une bibliographie qui devrait vous intéresser. Je vais beaucoup utiliser l'exemple. On va faire une étude de cas. Elle sera à partir de demain sur le site de l'Université virtuelle. Et puis ce que moi je vais vous montrer, c'est un slideshow qui sera systématiquement sur l'Université virtuelle. Je vais le mettre en petit bout parce que j'adapte systématiquement chaque année. Et donc ce soir, vous aurez la première partie. Donc prenez toutes les notes que vous voulez, mais tout ce que je montre, vous l'aurez sur l'Université virtuelle. Alors voilà quelques références bibliographiques. Alors le premier, je suis obligé de le nommer parce que je vais utiliser un mot que dans cette maison on utilise rarement, c'est un peu la bible du marketeur. La bible du marketeur, c'est Kotler et Manceau. Enfin, c'était Kotler et Dubois, mais Dubois, il a cassé sa pipe, donc c'est Manceau, sa première assistante, qui l'a remplacé. Kotler et Manceau, Marketing Management, ça existe en français. Vous le trouverez partout parce que c'est le bouquin de chevet de tous les marketeurs. Philip Kotler est professeur à la Northwestern University of Chicago et c'est le gourou du marketing, le grand penseur du marketing. Voilà. Donc si vous n'achetez qu'un bouquin, achetez celui-là. Ou alors achetez Mercator. Moi j'aime bien parce qu'il est européen celui-là. Il est français au départ. Et donc, c'est un bouquin qui se rapproche plus de notre culture à nous, où les exemples sont des exemples d'Danone plutôt que des exemples de Kellogg's. Okay? Où vous allez entendre parler de Airbus Industrie plutôt que de General Motors et de Boeing. Et donc, ça se rapproche plus de nos manières de penser. C'est un bouquin que j'aime bien. C'est deux bouquins qui sont faits de manière très, très, très didactique, vous voyez, à l'américaine. Le chapitre commence par ce que vous allez apprendre dans ce chapitre, puis on vous le décrit, il y a des exemples, il y a des photos, il y a des exercices, il y a une case study à la fin, il y a un résumé, ce que vous êtes censé avoir appris, et puis il y a des questions pour vérifier si vous avez bien appris ce que vous aviez à apprendre. Donc très didactique, sympa à lire, chapitre par chapitre, et illustré, c'est pas mal fait. Si vous voulez faire du marketing business to business, vous allez peut-être préférer Philippe Malavan, il est professeur à l'Université de Toulouse, et lui, c'est un spécialiste du marketing industriel. Voilà. Et donc, il va vous décrire des cas comme justement L plus Industrie ou Renault, etc. David Acker, c'est un spécialiste de la stratégie. C'est intéressant. Alors, Blue Ocean Strategy, ça c'est le must de tous les marketeers. C'est le bouquin à la mode. C'est dans une société où il y a abondance d'offres, ce qui est notre cas. On est une société mûre, une économie développée. Il y a 1000 producteurs de tous les produits dont vous pouvez rêver chez nous. Vous n'avez que l'embarras du choix, ou le stress du choix même. Et bien, le tout, c'est d'arriver à être différent des autres, se différencier, trouver son océan bleu plutôt que d'être avec tous les autres poissons dans les océans rouges. Océans rouges qui sont dirigés par une seule manière, je baisse mon prix, je baisse mon prix, je baisse mon prix. Pour finir, plus personne ne fait de bénéfice. Donc, tâchez de trouver un océan bleu où vous êtes le seul poisson et où vous pouvez bénéficier de beaucoup plus de degrés de liberté. Ça, c'est l'idée de mon borgne Kim et deux, trois autres. Strategic Brand Management, je vous cite le nom de Jean-Noël Capferrère. Ceux qui sont intéressés par la défense d'une marque vont trouver chez Capferrère pas mal de bouquins, je vous en cite un. Donc Capferrère est le champion de la marque. Comment on défend une marque, comment on reconstruit une marque, parce que les marques vieillissent évidemment. Hein. Et elles ont été parfois créées à un moment où la culture était complètement différente, où la civilisation était complètement différente. Comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps et comment est-ce qu'on peut les moderniser? C'est assez intéressant. Et enfin, je vous cite aussi un des ouvrages de Lovelock. Lovelock est le spécialiste du marketing des services. Donc, quand on est quelqu'un qui travaille dans le domaine du service, par exemple, du service de divertissement, ou du service culturel, ou du service de comptabilité, ou du service d'ingénierie, quelles sont les techniques de marketing qu'on peut mettre au point dans ce cadre-là? C'est un cadre qui est beaucoup plus ardu. Parce qu'il n'y a pas un produit qu'on peut toucher, qu'on peut goûter, qu'on peut transporter, qu'on peut palper pour déterminer s'il est de bonne qualité ou pas, s'il répond à notre besoin ou pas. Tout ça est décrit avec des mots, mais nébuleux, avant qu'on l'ait pratiqué. Et une fois qu'on l'a pratiqué, eh bien, il a disparu. Vous avez assisté à la pièce de théâtre, elle n'existe plus. Et en plus, comme elle a eu du succès, il y avait beaucoup de monde. Mais on ne peut pas stocker. On ne peut avoir que X spectateurs à la fois. Donc, ça impose des techniques un peu particulières de faire du marketing des services. Voilà. Je ne vous oblige pas à les lire. Je ne vais pas poser de questions sur la page 127 de Mercator. Ok ? Mais pour ceux qui ne se connaissent pas très bien, on a dit qu'il va avoir des repères pour nous y prendre dans la pratique et conseiller les deux premiers livres. Je conseille certainement d'avoir un des deux premiers dans sa bibliothèque, mais surtout si vous participez à mon cours, vous devriez être à même de vous en sortir. Voilà. Je vais tout faire pour, je vous promets. Bien. Allez, dites-moi ce que c'est que le marketing. C'est quoi votre définition ? Allez-y. N'hésitez pas. Hein. On est entre nous. Il n'y a rien qui se passe ici qui sort. Hein. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête. Il n'y a rien de bête. Hein. Alors, de temps en temps, je vais vous dire, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Hein. Celui qui n'a jamais fait d'erreur, c'est parce qu'il n'a pas assez essayé. OK ? Ce n'est pas moi, c'est Einstein. Allez-y. Ce sont des stratégies mises en place pour promouvoir un produit ou un service. Mm-hmm. ce qui veut dire que vous présupposez que le produit ou service existe déjà. C'est là où je ne peux pas être d'accord avec vous. Mais ce n'est pas une mauvaise définition. Stratégie qui permette de convaincre que mon produit va vous convenir, il manque quelque chose là-dedans. Allez, quelqu'un d'autre? Oui. D'accord, il y a des outils, oui. Créer, d'accord, et commercialiser, d'accord. J'aime bien, parce que par rapport à la précédente, vous apportez l'idée de créer de toute pièce. Donc ça, c'est bien. Il manque encore quelque chose. Quand vous parlez, vous, parlez assez fort. Les auditoires sont conçus pour que vous m'entendiez, moi. Mais à l'époque, on ne pensait pas que les étudiants avaient des choses à raconter. Donc, on vous entend assez mal quand vous parlez là-haut. Hein. Oui. Et afin d'engendrer des bénéfices. Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce qu'il y a des tas de démarches marketing qui sont faites dans un monde non marchand. Par exemple, le World Wildlife Fund, où Médecins Sans Frontières font du marketing tous les jours. Et c'est des AFBL. Leur but n'est pas de faire du profit, c'est de soigner les gens ou de protéger la nature. Ah, voilà ce qui manquait, bravo. Il y a l'analyse du consommateur et, avant même de l'appeler consommateur, appelons-le élément d'un marché, et on se demande en fait d'abord, mais de quoi il a besoin ce marché? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et qu'on pourrait solutionner? Quelles sont les attentes qu'ils ont et pour lesquelles on pourrait apporter des services ou des produits? Par exemple, je me souviens d'une émission que vous n'avez probablement pas connue parce que vous êtes trop jeune, qui s'appelait « Les travaux inutiles ». Vous avez entendu parler de cette émission? Et je me souviens très bien que le journaliste persiflait en disant « Oh, vous voyez, sur l'autoroute E19 d'Anvers, il y a non seulement 4 bornes à droite pour aller vers Anvers, mais 4 bornes à gauche. Ils sont fous et ils ont mis même des lampadaires des deux côtés et la partie de gauche n'est pas utilisée. Vous vous rendez compte des milliards qu'on a dépensés? Travaux inutiles. Ha, ha. Ces ministres sont stupides. Sauf que pour une fois, on avait eu un ministre qui avait une vision. Vous avez déjà été ces derniers temps sur l'autoroute d'Anvers E19, eh bien, les deux parties sont volontac pour le moment. Hein. Les deux parties sont utilisées. En fait, le ministre s'était rendu compte que dans le futur, la population allait avoir besoin de la possibilité de se rendre de Bruxelles à Anvers en voiture et qu'ils seraient nombreux à le faire. Et que dès lors, il fallait prévoir un produit qui répondait à ce besoin-là. 20 ans en avance. Donc, à l'époque, c'était considéré comme des travaux inutiles. Aujourd'hui, tout le monde est bien content d'avoir du macadam sous ses roues. Et pas des champs. OK ? Ça veut dire qu'il faut parfois regarder loin. Ça veut dire aussi, et en particulier quand on est dans la politique, qu'il faut parfois deviner des besoins dont, un, le client n'a pas conscience, ou deux, peut-être vis-à-vis desquels il n'est pas d'accord. Si on veut installer un nouvel aéroport dans votre jardin, vous n'allez pas être d'accord. Mais peut-être que le développement de l'économie du pays va nécessiter qu'on crée un nouvel aéroport. Vous voyez ? Et donc, parfois, il faut regarder très très loin l'analyse des besoins, des attentes, pour apporter les produits nécessaires. Bon ben, merci. Je trouve que vous êtes proche des définitions que j'aimerais donner. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Voilà celle de l'American Marketing Association. Je la déteste. Processus de planification et de mise en œuvre de la conception du prix, de la promotion et de la distribution d'idées, de biens et services permettant de créer des échanges en cohérence avec les objectifs individuels et organisationnels. Quelle abstraction! Là, on est vraiment dans les nuages. Et en plus, c'est tellement centré sur moi, je, ic, ego, que j'aime pas. Alors voilà celle de Kotler et Dubois à l'époque, un mécanisme économique et social. Mécanisme, comme si c'était automatique. Comme s'il n'y avait pas de l'intelligence humaine qui devait intervenir quelque part. Par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins. Ah, donc ça, là on parle du client. Et le plaisir au moyen de la création et de l'échange de produits et autres entités de valeur pour autrui. J'aime pas trop non plus. C'est déjà plus proche parce qu'on parle du marché et du client et on montre qu'il y a des interactions. Ah, celle-là est encore pire. Le marketing est une fonction de l'entreprise. Bah, attendez, c'est valable pour un homme politique, c'est valable pour une personne, c'est valable pour un théâtre, c'est valable pour un cirque. C'est pas que des entreprises, hein, qui consistent à créer, bah, ça vous l'avez dit, communiquer, oui, et mettre à disposition des clients. Donc il y a déjà une relation monétaire aussi. Oui, j'aime pas trop. De la valeur, oui. De la valeur, ça j'aime bien. Et entretenir la relation avec eux. Ah, entretenir, on parle d'une relation plus long terme déjà. C'est pas take the money and run. Hein, prends l'oseille et barre-toi. De façon à bénéficier à l'organisation et à ses parties prenantes, qui est la traduction littérale du mot shareholder ou stakeholder en américain. Qui en gros souvent veut dire les actionnaires, mais on dit que ça veut dire aussi tous les autres qui sont impliqués, notamment les sous-traitants, le Caterpillar et le personnel. Ouais. Je vous donne la mienne peut-être. Hein? Alors, le marketing, c'est une manière de penser. C'est une démarche intellectuelle qui consiste à d'abord se pencher sur les besoins, les attentes, et aussi le niveau de satisfaction actuel des éléments d'un marché, et d'apporter ensuite, soit en les créant, soit en les achetant ailleurs, des produits ou des services qui répondent à ce besoin, de façon à entrer dans une relation qui devrait durer le plus longtemps possible avec celui auquel on a apporté une réponse à son besoin. C'est pas exprimé de manière très livresque, mais c'est ce que je pense que le marketing est. Et vous trouverez là-dedans des notions de analyse des besoins, compte tenu de circonstances existantes sur un marché. Vous avez la notion de produit ou de service qu'on crée ou qu'on achète, qu'on acquiert. Vous avez la notion de solution. Ah, j'ai oublié de vous parler de la satisfaction, pour satisfaire le besoin sur le long terme. Ça veut dire que non seulement mon besoin est satisfait, mais en plus, j'y ai trouvé une satisfaction personnelle parce que j'y trouve de la valeur. Je trouve que ce produit ou service m'a apporté de la valeur. Vous aurez constaté qu'il n'y a pas de notion de prix là-dedans. Et vous aurez constaté aussi qu'il y a la notion de long terme. Par opposition à ce qu'on appelle le transaction marketing, ben, qui consiste à, j'ai un client potentiel, je vais vite lui fourguer mon produit, et puis je me barre parce que je ne sais pas ce qu'il va en penser. En gros. Et donc, on est chaque fois obligé de reconstruire la relation pour que le client, ben, comprenne la valeur que le produit peut lui apporter. Moi, je préfère la notion de relationship marketing, où on essaye d'instaurer une relation long terme. On a démontré dans des tas d'études que ça coûtait beaucoup moins cher de fidéliser ses clients que d'essayer d'en conquérir des nouveaux chaque fois. C'est beaucoup plus efficace. Une fois que vous avez une clientèle abonnée, eh bien vous pouvez travailler plus sereinement en tant que théâtre. Mais vous savez quoi ? Amazon fait la même chose. Amazon vous propose de vous abonner à Amazon Premium. Et dès lors, il vous promet tout un tas d'avantages, livraison dans les 48 heures, voire même le lendemain, des propositions systématiques tous les mois sur les domaines qui vous intéressent le plus, et résultats, ils sont certains que la manne va rentrer chaque année. Ça, c'est pas con. Hein. Donc, on est beaucoup plus, en ce qui me concerne en tout cas, dans une optique de relationship marketing, c'est-à-dire de relations sur le long terme. Alors, le contexte dans lequel on évolue n'est pas simple aujourd'hui parce que aujourd'hui, le monde est devenu plus rapide. Ça, je vais vous le montrer. Regardez. Le téléphone, quand Graham Bell l'a inventé, il a fallu 75 ans avant qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs du téléphone. La radio, il a fallu 35 ans. La télé, 13 ans. Le mobile, 12 ans. Le web, 4 ans. Skype, moins d'un an. Et le dernier iPhone 6, il a fallu 3 mois. Pour atteindre 80 millions de clients. Et je gage que l'iPhone 7, ça parlait encore. Donc vous voyez, ça va de plus en plus vite aujourd'hui. Et en plus, le monde est beaucoup plus ouvert. Vous savez aujourd'hui tout de suite qu'il y a eu un tremblement de terre au Kamtchatka. Vous voyez où c'est le Kamtchatka ? Yes ! Ça, c'est une bonne réponse. Bravo. C'est en extrême Russie, c'est la dernière péninsule à l'est de la Russie, exactement, et à côté des îles Kouril et de la mer de Barents. Donc c'est loin, quoi. Hein, pour vous dire, c'est loin. Spécialité ? Le crabe Chatka vient du Kamtchatka. Hein. Le crabe royal géant, 3 mètres dans le mur. Donc voilà, c'est loin. C'est pour vous dire que c'est loin. Eh bien, aujourd'hui, s'il y a un tremblement de terre dans les îles Kouril au Kamtchatka, on est au courant tout de suite sur son smartphone. Donc, le monde est plus mondial, ce qui le rend aussi plus compétitif. Parce que peut-être que le produit que vous vendez, et vous trouvez que c'est une idée géniale et vous êtes le seul à le faire, demain, il y a un type du Kamtchatka qui va venir vous bouffer votre marché à partir du Kamtchatka. J'ai vu un de mes amis qui vendait des meubles. Il vendait des meubles qu'il faisait fabriquer au Vietnam sur base de bois récolté en Indonésie. Et qu'il vendait aux États-Unis. Inutile de vous dire que tout ce qu'il vendait se faisait au travers de e-commerce sur le net. Et il s'est rendu compte à un moment donné que, alors que ses affaires marchaient bien, qu'il remportait systématiquement les appels d'offres parce que, en achetant du bois dans un pays qui en a beaucoup et faisant fabriquer les meubles dans un pays où il y a de la main-d'œuvre très bon marché, ça lui permettait d'avoir des prix très intéressants sur le marché américain. Et il s'est rendu compte une année que, tout à coup, il ne remportait plus aucune offre. Systématiquement, il y avait un bonhomme qui proposait une autre offre compétitive à 5% moins cher que lui. Et en fait, il s'est rendu compte que son système informatique avait été piraté. Et que donc, l'autre était venu se connecter sur ses appels d'offres et systématiquement offrait 5% moins cher. C'est pas bien, hein. Mais, et ne croyez pas que je sois cynique, je voudrais vous ouvrir les yeux sur des pratiques qui ne sont pas toujours éthiques non plus. De façon que vous ne soyez pas comme l'agnelet qui vient de naître et vous faire bouffer tout près par les loups sur le marché. Et donc, comme le monde est plus mondial et plus compétitif et plus rapide, les stratégies sont de plus en plus incertaines. Et alors ça, mes amis, c'est une des caractéristiques de la gestion d'entreprise ou de théâtre ou de ce que vous voulez, c'est qu'il s'agit de gérer l'incertitude. Dites-vous bien qu'on n'a jamais 100% de l'info pour prendre des décisions. Et que donc gérer quoi que ce soit, une famille, une église, un parti politique, un théâtre ou une entreprise, c'est prendre des décisions sans avoir tous les éléments en main. Gérer de l'incertitude. Et prendre des décisions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre des risques. Ça veut dire savoir renoncer, puisque quand vous avez quatre options, vous devez en choisir une, vous n'avez pas tous les éléments en main, et ça veut dire que vous renoncez aux trois autres. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on gère. Donc, moi je ne vais pas vous mentir, le marketing et les études de marché ne vont jamais vous apprendre 100% de la réalité. Ils vont vous amener des éléments supplémentaires pour pouvoir prendre des décisions, mais vous n'aurez jamais 100% de connaissances sur quoi que ce soit. Eh bien, le marketing opère dans ce monde-là. Ça ne rend pas les choses faciles. Le marketing a évolué aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est une manière de penser. Donc, cette manière de penser a évolué. Alors, on va commencer avant la révolution industrielle. On est dans une économie dans nos contrées qui est une économie essentiellement primaire, c'est-à-dire j'exploite la nature. Je fais pousser du blé, je fais pousser des carottes et j'élève des bœufs. Orientation production. À cette époque-là, l'idée c'était comment est-ce que je peux avoir plus de bœufs. Ou comment est-ce que mon champ de blé pourrait avoir un meilleur rendement? Et donc, à ce moment-là, on se rend compte que, eh bien, en utilisant les excréments humains et animaux, le blé pousse mieux. D'accord? Alors, progressivement, avec le temps, ce schéma de pensée évolue et on se retrouve à la révolution industrielle où il y a un génie qui invente la machine à vapeur qui va permettre de mécaniser toute une série d'opérations, à commencer par le filage de la laine avec la spinning jenny. Et puis on se rend compte que bon sang de bois, ça pourrait permettre de répondre à un besoin qui est de transporter des choses et de faire bouger les personnes d'un endroit à un autre de manière beaucoup plus efficace, plutôt que de se mettre sur un cheval et d'attendre qu'il atteigne Bruxelles en partant de Liège, ou de Malines en l'occurrence. On va inventer un cheval de fer qui s'appelle locomotive, qui fonctionne à la vapeur et qui va, sur des rails, permettre d'amener les gens de Bruxelles à Malines ou de Malines à Bruxelles. Génial, la Belgique est la première à installer une ligne de chemin de fer officielle et permanente. Donc, on a créé un produit nouveau. Ah oui, mais alors, pour pouvoir développer ce produit nouveau, pour aller de Malines à Anvers et pour aller de Bruxelles à Liège, il va falloir en construire d'autres, des lignes de chemin de fer. Et pour ça, on a besoin de quoi ? On a besoin d'un produit qu'on appelle l'acier. Du coup, on crée des usines d'acier. On est toujours dans satisfaire un besoin avec un produit, là. On crée des usines d'acier. Et alors, on voit se créer Cochril, Cochril Sambre, Cochril Louvray, etc. Providence Longueau, qui sont les grosses aciéries belges. Dirigées par qui ? par des ingénieurs. Au départ, c'était les producteurs. Ici, c'est des ingénieurs qui conçoivent des produits qui répondent à ce besoin de se déplacer. Okay? Et puis, le monde continue à évoluer. Et puis, on se rend compte que ben, les Français aussi s'y sont mis. Il y a de la sidérurgie en France aussi. Et ils fabriquent aussi de l'acier qui permet de faire des rails et des locomotives. Ah oui, mais alors, on commence à se tourner un peu vers l'extérieur, pour une fois, et on se dit, oui, mais donc il va falloir que les gens prennent mes rails et mon acier plutôt que celui des Français. Hein. Donc on envoie des gens qui vendent, alors, et qui vont vanter les produits acier de chez Cochrane aux gens qui veulent construire les chemins de fer, essentiellement l'État à l'époque. Et donc on a engagé des vendeurs, cette fois-ci. Ils sont souvent aussi des ingénieurs, parce qu'ils parlent avec qui ? Ils parlent avec un client qui est aussi un ingénieur. Et donc, là, l'objectif du marketing est de vendre. Et puis, on se rend compte que, hey, il y a des ventes qu'on perd. Et il y a des ventes qu'on gagne. Et puis, il y a peut-être d'autres marchés sur lesquels Cochrane pourrait vendre son acier. Et donc, on se dit, mais tiens, il faudrait peut-être voir ces autres marchés, où ils sont, quel prix ils sont prêts à payer, quelles sont les quantités qu'ils vont commander, parce que l'Italie se dote aussi à ce moment-là de chemin de fer, et l'Angleterre, beaucoup plus encore, et peut-être même les États-Unis. Ah oui, mais on ne connaît pas ces pays, donc on va devoir analyser ces pays-là. Et hop, le marketing passe à un mode de pensée suivant, qui est de s'intéresser au marché et de savoir où en sont les marchés, quelles sont les quantités, quels sont les types de produits dont on a besoin. Et on se rend compte qu'il y a aussi d'autres marchés. Il y a le marché de l'automobile qui est en train de se créer, pour lequel on a besoin de tôles. Ah oui, mais ça, c'est plus des rails, ça n'est plus de l'extrudé, c'est du plat dont on a besoin. Alors ça, c'est un autre produit. Et on fait progresser le marketing, et c'est à ce moment-là que sont créées pour la plupart les grandes entreprises de produits de grande consommation qui se rendent compte qu'on peut répondre à des besoins similaires dans différentes contrées et que donc on va peut-être pouvoir vendre du chocolat aussi en France et aussi en Hollande. Ah oui, mais en Hollande, il y a déjà Vercard qui est hollandais. Ah, comment est-ce qu'on pourrait battre Vercard ? Oui, mais combien il a déjà du marché ? Et alors, on a des marketeurs qui commencent à être plutôt des ingénieurs de gestion et qui se disent, bon, Vercard a 60% de part de marché, moi je n'en ai que 10, comment je peux faire progresser ma part de marché ? Je vais faire une grosse pub à Amsterdam sur le bon chocolat belge en disant que le chocolat belge, il est fabriqué avec du cacao qui vient du Congo belge, etc., etc. Et donc, là, on est sur le marché, réellement. On est carrément à l'extérieur. On n'est plus orienté produit. Et on se rend compte que les Français, ils préfèrent le chocolat noir plutôt que le chocolat au lait. Donc, on va faire du chocolat moins sucré, moins lacté, moins crémeux, plus amer, plus noir, rien que pour les Français. On a créé un nouveau produit en fonction d'une meilleure connaissance du marché. Ça, c'est l'orientation marketing. C'est là où on en était quand moi je suis sorti de l'UNIF, dans la plupart des entreprises. Depuis lors, les choses ont évolué. Aujourd'hui, quand je regarde mes filles qui m'engueulent chaque fois que je fous une de ces petites bouteilles de plastique dans la poubelle normale, alors là, je me fais traiter tous les noms parce que ça n'est pas durable, ça n'est pas bien pour l'écologie, c'est pas bien pour la couche d'ozone, and whatsoever. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir l'image de durabilité, de ne pas polluer la couche d'ozone, que ça fasse du bien aux populations les plus défavorisées. Et résultat, vous voyez apparaître des produits comme du marketing équitable, du Max Havelaar, des bananes qui sont cueillies chez des producteurs qui sont rémunérés de façon adéquate, pas comme l'autre vilain méchant. Hein. etc., etc. Ça, c'est une tendance des années... Ça a commencé dans les années 80-90 du siècle dernier. Aujourd'hui, grâce à ce genre d'objet-là, on est dans une autre forme de marketing, qui est le marketing one-to-one. Cette demoiselle vient de recevoir un message auquel elle répond. C'est peut-être quelqu'un qui lui propose un nouveau produit ou une nouvelle satisfaction à ses besoins, de distraction par exemple, ce soir, et auquel elle répond immédiatement. Et là, on est dans une forme de communication marketing qui est du dialogue avec une seule personne. Je me trompe ? En fait, je voulais apprendre que le cours, c'est théorie du marketing et le nom a changé. En fait. Le nom a changé cette année, oui. Marketing stratégique à la place de théorie. Théorie du marketing. Alors, théorie du marketing, moi, j'aime pas parce que c'est théorique. Et je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'il suffira de régurgiter le slide 47 par cœur. Ce n'est pas du tout de ça qu'on va parler. Mais vous êtes libre. Hein. On est dans l'université libre, donc sentez-vous libre de vous absenter si vous préférez. De quoi parlions-nous ? Oui, nous, on parlait de marketing one-to-one. Aujourd'hui, c'est là qu'est arrivée la pensée marketing. On est en fait du marketing sur mesure. Alors voilà quelques exemples de marketing sociétal. Hein, vous connaissez tous The Body Shop, par exemple, hein, qui est positionnement quoi ? Quelle est la valeur qu'elle met en avant ? Fairtrade, pas d'essai sur les animaux, etc., etc. En tout cas, c'était la volonté de la patronne fondatrice. Aujourd'hui, ils sont rachetés par L'Oréal. Hein, c'est pas nécessairement la même chose. Max Avelin, vous connaissez ? Oui. C'est quoi ? Commerce équitable, d'ailleurs, ça s'appelle plus Max Avelin, ça s'appelle Ethicable. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir changé, mais bon. Max Avelin était peut-être un peu trop teinté de... comment dirais-je, de... néerlandophonie. Et un nom pas facile à prononcer pour les Français, par exemple. De la même manière que Colruyt a quelques difficultés à pénétrer le marché français, puisque Colruyt n'est pas nécessairement facile à prononcer. Et là, on est déjà en train de parler de brands. Hein. Par exemple, saviez-vous que Nike, que vous connaissez tous, okay, au départ, le nom, c'était Knightsbridge, qui s'écrit en français Knightsbridge. Il nous dit même dire que ça avait du mal à passer. Donc, il a préféré changer de nom. Voilà aussi quelques exemples de marketing équitable. Alors, s'il y a un slide que vous devez retenir, c'est celui-là. C'est celui-là. Parce qu'il contient toute la démarche du marketing. Tout le mode de pensée du marketing de manière structurée. Et si vous mettez la charrue avant les bœufs, ça ne va pas bien marcher. Et donc, on va tout au long des moments qu'on va passer ensemble, on va décrire tous les types d'actions nécessaires pour que cette démarche fonctionne. Alors, vous voyez que ça commence par ce que moi j'appelle vision. On peut parler en américain aussi de mission statement. Ça veut dire on se pose la question de savoir mon entité, qu'elle soit un ministère, un service public, un théâtre, un cirque, une entreprise, une usine qui fabrique un produit, mon entité, elle va apporter quoi dans la société ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Qui suis-je ? Qui est-ce que j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai envie d'être un producteur ? Ou est-ce que j'ai envie d'être un distributeur ? Est-ce que j'ai envie de travailler dans le domaine industriel ou dans le domaine culturel ? est-ce que mon domaine, c'est la danse ou c'est la musique? C'est des choix primaires à faire sur ce qu'on veut apporter à la cité. Cité avec un grand C au sens hellénique du terme. Ça, c'est le mission statement. Inutile de vous dire qu'il faut que quelqu'un décide au départ, parce que ça va se répercuter sur tout ce qu'on fait après. Et parce que ça va permettre aussi de prendre des décisions. À un moment donné, les chemins vont se présenter, un chemin A qui va vers la gauche et un chemin A qui va vers la droite. Lequel est-ce que je choisis? Je ne sais pas mettre des moyens dans les deux parce que j'ai des moyens limités. Donc je vais choisir le chemin qui correspond le plus à ce que je veux être. D'accord ? On va reparler de chacun des éléments au fur et à mesure. Puis je vais mettre en place une stratégie avec des objectifs marketing. Mais pour pouvoir le faire, je vais d'abord devoir, comme on l'a dit tout à l'heure, analyser le marché. Déjà, c'est quoi mon marché ? Si je suis un opéra comme l'opéra de la Monnaie, c'est quoi mon marché? Allô, allô? Pardon? Les autres opéras, donc vous me parlez des concurrents. Oui? Et ils sont où les opéras à Bruxelles? À Bruxelles, déjà, il n'y en a qu'un. Mais c'est de Bruxelles qu'il faut parler. Il y a que des Bruxellois qui vont à la Monnaie. Il y a les gens de province aussi. Donc, la province, les provinciaux, ils ont droit aussi de venir à la Monnaie. C'est tout. Pardon ? Les touristes. Et ils habitent où les touristes ? En province ? Hors de la Belgique et parfois vachement loin, aussi loin que la Chine. Ouais, mais ils ne vont pas comprendre. Mais vous comprenez l'opéra, vous? Non, tout le monde s'en fout, hein. Ils chantent en allemand. Et en plus, ils prononcent d'une manière bizarre. Donc, oui. Ah, là, vous êtes en train de vous dire, ouais, ouais, il y a les provinciaux, il y a les Bruxellois, il y a les touristes, mais c'est pas tout le monde parmi ceux-là qui va être réellement... Donc peut-être que mon marché est limité à une classe sociale, ou une classe d'éducation, ou... Oui, vous croyez ça? Moi plus. Moi plus. J'ai dirigé des magasins dans la vie. Deux de mes caissières qui étaient abonnées tous les ans à l'opéra. Niveau d'éducation, pas très élevé, niveau socio-économique, pas favorisé du tout, mais elles ne parlaient que de ça. Elles campaient de vendre leur abonnement. Et comme elles n'avaient pas beaucoup les moyens, leur abonnement c'était sur un fauteuil qui est derrière une colonne. Elles étaient heureuses. Donc, l'idée qu'on se fait du besoin du client, c'est parfois dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste positif, mais je pense que ça serait, premièrement, c'est plus facile de fidéliser une classe. Voilà. Elle est en train de vous montrer que souvent le marketing est fait d'a priori. Et qu'il faut se méfier de ces a priori. Seul, en fait, le client veut. Méfiez-vous de ces a priori-là. Ça dépend pas aussi de ce que l'opéra met en place pour ses clients, et s'il a envie absolument. De sur un public plus jeune, avec absolument. Un public plus absolument. Absolument. Et par exemple, on pourrait croire qu'à l'opéra, il y a des vieux. C'est un peu vrai. Mais il pourrait très bien y avoir des opéras dans lesquels il y a beaucoup de jeunes. Si vous allez en Russie, ben, la majorité des gens sont des adultes de votre âge. Parce que ça fait partie de la culture locale. Si l'opéra de la Monnaie se met à programmer, je ne sais pas, l'oratorio de Paul McCartney, ils auront peut-être un public moins âgés que ce qu'ils ont pour le moment. Ah oui, mais il faut 200 chanteurs. Ça va coûter bon. Hein. Donc, quel est mon marché? Et aujourd'hui, souvent, les marchés sont beaucoup plus larges qu'on ne l'imagine. Et sur ce marché, de quoi je vais devoir tenir compte? Je vais devoir d'abord tenir compte de qui je suis moi. Je suis l'opéra de la monnaie, j'ai X centaines de places, et pas plus. Donc, voilà une de mes caractéristiques, je sais me permettre un tel volume. J'ai un budget de autant. Donc, je ne sais pas payer José Carreras pour qu'il vienne, parce qu'il est trop cher, José Carreras. Donc, je vais pouvoir avoir d'autres chanteurs. Okay? Donc, j'analyse mes forces, mes faiblesses, mes capacités de production. Et puis, bien sûr, j'analyse la concurrence. Vous l'avez dit, elle est où la concurrence de l'opéra d'un monde? Voilà, en fait, vous avez une notion de concurrence qui est beaucoup plus large que le mot concurrence. Un concurrent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait la même chose que vous. Mais attention, hein, par rapport au spectacle opéra, l'idée de concurrence, elle est beaucoup plus large. D'ailleurs, je préfère ne plus utiliser le mot concurrent, mais le mot alternative. L'alternative, c'est divertissement culturel en général. Donc, un cinéma, un théâtre, je peux choisir entre l'opéra ce soir ou le théâtre ce soir. Et donc, des alternatives. Et puis en plus, il n'y a pas que les opéras dans un lieu comme le théâtre de la Monnaie, place de la Monnaie. Tous les mois, ou tous les ans, pardon, à Bruxelles, il y a à Forêt Nationale l'opéra de Pologne qui vient jouer Nabucco avec un spectacle gigantesque. Ben voilà une alternative temporaire, mais qui va pomper mon marché ce jour-là. Et puis tous les mois, à la télé BBC, il y a un opéra retransmis en direct. Ah ouais, ça c'est aussi, là. Les gens restent chez eux, regardent la télé et voient un opéra que peut-être j'avais programmé dans un mois dans ma salle. Et puis, à 1h15 de TGV, il y a deux opéras à Paris. Hein. L'opéra Garnier et l'opéra du Châtelet. De la Bastille, pardon. Voilà, la concurrence, les alternatives sont nombreuses. Donc, pensez alternative plutôt que concurrence. D'accord. Et donc, quel est mon marché? Mon marché, c'est combien de personnes? C'est quel volume? C'est quel âge? C'est quel pouvoir d'achat? C'est qu'est-ce qu'ils connaissent déjà? C'est de quoi est-ce qu'ils ont envie? C'est quels sont les fournisseurs? C'est quelles sont les règles? C'est quel est le niveau de prix? C'est aussi quels sont les facteurs d'influence? Et là, je me rapporte au polygone suivant qui est environnement. Environnement, pas au sens écologique du terme, mais au sens milieu du terme. Je suis au milieu de toi. Quels sont les facteurs autour de moi qui peuvent avoir une influence sur le fonctionnement de mon opéra? Le niveau d'éducation des gens? Les lois? L'évolution technologique? Est-ce qu'il faut des micros? Est-ce qu'il faut des sous-titres? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan de l'acoustique? Qu'est-ce qui risque de se passer? Bref, l'environnement va apporter une série d'opportunités pour faire mieux vis-à-vis de mon marché, mais peut-être aussi de menaces. Si l'État décide de ne plus financer le budget de l'opéra de la Monnaie, c'est une énorme menace sur ma capacité à répondre aux besoins du marché, qui va peut-être m'amener à orienter complètement différemment ma stratégie pour aller chercher les moyens qui me manquent ou pour faire avec moins. dis ça, je dis rien. Il y a un tas de théâtres qui ont vu leurs moyens de financement rabotés ces dernières années et qui ont dû se poser des questions comme ça. Donc ça, c'est sur base de ces analyses-là, interne d'une part et externe d'autre part, que je vais pouvoir définir une stratégie et des objectifs marketing. Des objectifs marketing que je vais essayer d'exposer en des termes avec une limite dans le temps. Dans 5 ans, je veux être avec des éléments mesurables, numéro 1, en nombre de spectateurs, ou en budget, ou en réputation, des éléments mesurables, atteignables, sinon je ne vais pas arriver à motiver mes troupes, okay. Ambitieux, sinon ça ne sert à rien, et avec une limite dans le temps. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet acronyme. On appelle ça des objectifs SMART. Vous avez déjà entendu parler de ça? Quoi que vous gériez, votre famille, une ASBL, une entreprise, vos objectifs devraient être systématiquement SMART. SMART, ça veut dire quoi? Spécifique. On sait bien de quoi on parle et c'est très concret. Pas, par exemple, la poste qui dirait on va essayer d'aller plus vite. C'est quoi plus vite pour la poste? C'est quoi plus vite? Parce que c'est clair qu'à la fin de l'année, ils vont dire, eh bien, on a fait des efforts et on y est arrivé, hein. On va plus vite. Et peut-être que le client va trouver que vous n'allez pas plus vite du tout. Plus vite, ce n'est pas un objectif spécifique. Vu ? Donc c'est passer de J plus 2 à J plus 1 dans la délivrance des lettres, par exemple. Ça, c'est spécifique. M pour mesurable, absolument. Mesurable, ça veut dire qu'il s'exprime en termes de mesure par rapport à un étalon. J plus 1, J plus 2. 48 heures chrono. 55% de part de marché. 32% de notoriété spontanée. Voilà des choses. 60% de taux d'audience. Voilà des choses mesurables. Atteignable, absolument. Mais R alors? Réaliste. Si vous me dites atteignable et réaliste, ça veut dire que vous n'allez pas bouger beaucoup votre cul. Ça veut dire que vous vous prémunissez déjà contre l'idée qu'il va falloir faire des efforts. Hein. Donc il y en a des deux que vous devez changer, mes amis. Parce que c'est pas très volontariste ça, hein. Atteignable et réaliste. Ça, c'est l'objectif syndical. Minimum syndical. Donc, on va dire réaliste, mais ambitieux, hein, de grâce, hein. Sans ça, vous n'allez pas beaucoup bouger, hein. D'accord? Ambitieux, mais réaliste. Pas, au sortir de ce cours, vous serez capable de sauter 2,27 m. Ça ne paraît pas réaliste. On va commencer par 1,27 m. Et encore. 27, allez. Tout le monde n'est pas un fils à tout diable. Donc, réaliste mais ambitieux. Et T. Avec une limite dans le temps. Pensée de temps, avec une limite dans le temps. Il faut que ce soit dans 3 ans, dans 5 ans, dans 1 an, dans 2 mois. Parce que sinon, vous ne saurez jamais quand vous devez évaluer si vous avez atteint vos objectifs ou pas. C'est trop facile de se fixer des objectifs sans limite de temps. Et donc, par exemple, en ce qui vous concerne, moi j'aime bien les étudiants qui remettent leur mémoire en première cesse. Ensuite, on va voir comment on peut réaliser ces objectifs. Et là, on va se pencher sur la démarche de différenciation, c'est-à-dire ces trois étapes-ci, qui sont le cœur de la démarche marketing. Segmentation, ciblage, positionnement. Vous avez dit tout à l'heure, dans la population du marché de la monnaie, il y a peut-être un segment qui est plus intéressé, c'est des gens cultivés et nantis. Ça, c'est faire de la segmentation. C'est couper le marché en morceaux qui sont plus cohérents, qui ont des comportements similaires. Alors, pour l'opéra, ce sera peut-être, je n'ai pas dit que c'était le cas, essayer de repérer les gens qui sont nantis et qui sont culturellement développés. Mais pour vendre du coca, ça va être quelque chose de complètement différent. Pour vendre du Nutella, ça va être quelque chose de complètement différent. Pour faire venir des entreprises qui produiront de l'emploi dans ma ville, ça va être encore quelque chose de complètement différent. Donc, les techniques de segmentation vont être complètement différentes d'une entreprise, d'une institution, d'une entité à une autre. Puis, comme on a la plupart du temps des moyens limités, eh ben on va peut-être décider de s'attaquer à un segment plutôt qu'à un autre. Je ne sais pas vendre mon produit à tout le monde, donc je vais décider de le vendre, je sais pas, aux vieux, parce que les vieux, ils ont du pain. Par exemple, je caricature, évidemment. C'est pas vrai, hein, je suis vieux, j'ai pas peur. Hein. Mais voilà comment on se projette en se disant, mes moyens sont limités, je ne sais pas attaquer l'ensemble du monde, donc je vais choisir une cible qui me correspond mieux, de laquelle je suis plus proche ou qui est plus facile à atteindre. Et puis, par rapport à cette cible, on doit se dire, bon ben, comment est-ce qu'elle va être convaincue, cette cible ? Ben, elle ne va être convaincue de faire appel à moi que si elle voit en moi quelque chose qui l'intéresse. Donc je vais essayer de construire une image, de projeter une image qui correspond à quelque chose que ma cible aime bien. Ça, c'est le travail de positionnement. Créer dans la tête de la cible l'image qu'on voudrait bien qu'elle ait. À revenir sur toutes ces notions. Et puis, une fois que je sais ça, hein, le théâtre de la monnaie, Mortier, quand il était le patron du théâtre de la monnaie, il a dit, je veux être le théâtre qui, dans le monde entier, est le plus authentique. L'opéra qui est le plus authentique. Et donc, par exemple, sur scène, une scène de banquet, les gens mangent vraiment du poulet rôti dans des vrais verres en cristal. Et ils ont vraiment des habits de soie sur eux. Et ça a été un succès extraordinaire. Les gens venaient du monde entier pour voir les pièces à la monnaie. Ce problème, c'est que quand il est parti, il y avait un solide trou dans la pièce. Parce que du cristal, de la soie et du poulet rôti sur scène, ça coûte assez cher. Mais ça, c'était son positionnement. Et comment est-ce qu'il l'a fait savoir ? Eh bien, en faisant une proposition marketing. La proposition marketing, c'est mettre à disposition du marché un produit avec son prix et une image. L'image, c'est l'opéra le plus authentique. Le prix, il est élevé, parce que l'un amène évidemment des coûts supplémentaires, donc l'autre doit être élevé. Et le produit, c'est... Donc on a aussi les meilleurs chanteurs, le meilleur chef d'orchestre, les meilleurs musiciens et le plus bel opéra. À ce moment-là, il était naze, l'opéra. Il datait encore de la muette de Portici, 1830. Okay. Donc il a fait complètement refaire, les cintres de façon à ce que toute l'animation sur scène puisse être hyper moderne avec tous des trucs robotisés. Donc le produit a aussi évolué. Ça, c'était la proposition marketing qu'il faisait. Et puis alors après, il faut le faire savoir. Et donc il faut communiquer. Et dans le polygone de communication, il y a cette petite pointe-ci qui sera peut-être de la publicité. Cette petite pointe-ci de l'ensemble du diagramme qui va peut-être, mais pas sûrement, être de la publicité. Vous comprenez que je n'accepterai plus que vous confondiez publicité et marketing. Malheureusement, dans les vocables utilisés par le peuple en général, c'est un peu là que le bas blesse. Les gens pensent marketing égale publicité pour contrer la publicité. Mais c'est juste une toute petite partie de la démarche. Et souvent, hein, on ne va même pas faire de publicité. Vous croyez que c'est parce qu'on va faire de la publicité à la télé que les gens vont venir à la Monnaie ? Quel serait le meilleur moyen de communication pour convaincre, à votre avis? Le bouche à oreille. Avec peut-être quelques leaders d'opinion là-dedans, non? Qui ça, par exemple? Des blogueurs, oui. Ou qui encore? Des journalistes, absolument. Ou qui encore? Des critiques. Alors voilà peut-être des gens avec lesquels on voudrait faire une forme de communication qui ne va pas être de la pub, hein. Ça va être de la relation publique, hein. Ça va être les inviter au resto avant pour leur dire que c'est Carreras qui va venir chanter, que l'orchestre est particulièrement de haute qualité, c'est tous les premiers prix de conservatoire, et que la mise en scène est complètement mirobolante par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc en travaillant cette personne-là, on peut espérer un relais d'informations vers d'autres. Idem vers les blogueurs. Aujourd'hui, les moyens de communication se sont très très fort développés. Donc, est-ce qu'on va faire de la pub pour la Monnaie? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Donc, voilà ce qui va se passer durant le cours. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Des suggestions? Alors, je vous propose de prendre un quart d'heure de cours. Ouais, je crois que j'en ai vu à l'entrée. Ah, je me vois. Je me balade. Ouais, je crois que. Dans le monde, ou peut-être faire des enquêtes par des étudiants. Alors, méfiance. Donc, il faut un ordre de mission, il faut un mission statement, il faut une vision. et j'ai mis comme première caractéristique qu'elle doit être emphytéotique. Qui peut me traduire ce mot-là? Je sais que c'est du français à la première balle. Ah, personne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un bail emphytéotique? Non? C'est quoi un bail emphytéotique? Eh bien, c'est un contrat de location qui vaut pour 99 ans. Par exemple, un théâtre est établi dans des locaux qui sont possédés par le gouvernement ou par l'État. Et pour être bien sûr qu'on ne puisse pas le jeter dehors avant longtemps, on signe un bail emphytéotique. Ça veut dire pour 99 ans. Ce qui veut simplement dire qu'un mission statement, ce n'est pas pour les 5 ans à venir. C'est à très long terme. C'est à très long terme. Voilà à quoi je vais servir à très long terme. Et donc, on ne va pas le changer parce que tout à coup, il y a 14% d'inflation. Ou parce que tout à coup, on a inventé Internet. Ou parce que tout à coup, il y a un nouveau concurrent qui arrive. Ou parce que tout à coup, les prix baissent ou montent. Ça reste, comme on dit à Bruxelles, ça reste continuer, durer. C'est fait pour longtemps. OK? Donc ça doit résister à la conjoncture. Ça doit résister aux turbulences des marchés. Ça doit donc permettre des changements stratégiques. Moi, ce que je veux faire, c'est de faire du divertissement culturel. Alors, peut-être que, stratégiquement, je vais choisir de ne plus viser la cible des nantis cultivés, mais de choisir les jeunes qui n'ont pas d'argent et qu'il faudrait amener à un niveau de culture supérieur. Stratégiquement, c'est un changement fondamental. Mais je reste dans ma mission de divertissement culturel. Mobilisatrice et directrice, ça veut dire que c'est un peu comme la bannière ou la devise d'un pays. Ralliez-vous à mon panache blanc, disait l'autre. Ça veut dire que on est prêt à se mobiliser là derrière. Je vais pouvoir motiver des gens à suivre cet objectif, à travailler dans cette institution ou à être fier d'appartenir à cette entreprise. C'est mobilisateur. Et c'est directeur dans la mesure, à un moment donné, les gens vont se poser la question de savoir si c'est le chemin A ou le chemin B qu'il faut emprunter. En principe, en lisant le mission statement, vous devez vous dire, ah ouais, c'est définitivement le chemin B. Directeur. Compréhensible par tous. Il faut que ce soit des mots simples. Et c'est pas un roman. C'est quelques lignes. Si ça tient en plus qu'un A4, c'est pas bon. Hein. Qui répond bien sûr à un besoin du marché. Qui propose une valeur ajoutée. Différente de celle de la plupart des autres. Alors, c'est aussi une décision qui n'est pas une décision démocratique. On ne va pas faire un grand pow-wow en disant à tous les employés « Allez les gars, qu'est-ce qu'on a envie d'être? Allez, donnez-moi vos idées et puis après on vote. » C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est, la plupart du temps, une personne, l'initiateur, le penseur, le ministre responsable, le créateur, qui se dit « Voilà ce que je veux être. » Donc ça ne se délègue pas. Et bien sûr, ça doit inclure le client, le bénéficiaire, le citoyen, l'assujetti, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a des gens qui détestent le mot client. Par exemple, les pharmaciens n'aiment pas parler de client. Ils préfèrent parler de patient. Même quand ils vendent des colliers antipuces pour votre chien. Vous êtes un patient. On pose quelques questions là-dessus. C'est des blocages sémantique qui ne fait pas beaucoup progresser le chemin public. Bon, alors bah, je vous en donne un exemple. Ça, c'est le mission statement de Boeing Commercial Airlines. Parce que comme vous savez aussi, Boeing fait aussi des B-52. C'est-à-dire des bombardiers stratégiques. Mais ce n'est pas cette division-là. C'est la division Commercial Airlines. Commercial Airlines segment is involved. Ah, il est occupé à. D'accord. Developing, ça veut dire qu'on conçoit. Producing, ça veut dire qu'on fabrique. And marketing, commercial jet aircraft, des engins volants à propulsion à réaction. On ne va pas faire d'hélicoptère, on ne va pas faire d'avion à hélice. On ne fait que de la propulsion par réaction. And providing related support services, ça veut dire qu'on va aussi faire du service après-vente, notamment. Principally, but not only, parce qu'on en vend quand même au président des États-Unis aussi. Principally to the commercial airline industry worldwide. Pas uniquement les States, mais le marché, c'est le monde entier. Voilà qui est relativement précis, mais relativement large. Voilà qui permet de faire des avions gros porteurs et des petits porteurs, des longs courriers, des moyens courriers, des avions avec 6 réacteurs, des avions avec 2 réacteurs. Okay? Des avions en aluminium et des avions en fibre de carbone ou en acier. Mais on ne va pas faire des ballons ni des hélicoptères. Et l'idée, c'est de faire de l'aviation commerciale. Ah, ça peut être aussi des cargos, alors. Oui, oui, ça peut être des cargos. Pas uniquement des passagers. Les cargos, c'est aussi de l'aviation commerciale. Mais on ne va pas faire des systèmes avec des armes. Parce qu'on ne fait pas du militaire. Donc, vous voyez, ça donne une idée de ce qu'on fait. Et si tout à coup, il y a une nouvelle invention technologique, présent, du genre on sait fabriquer des avions avec une imprimante 3D, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui dirait qu'on ne peut pas? Pourtant, vous vous rendez compte du revirement stratégique que ça représente sur le plan de la production. On ne fabrique plus avec de l'aluminium, on fabrique avec des imprimantes 3D. C'est complètement différent sur le plan de la pratique. C'est un virement stratégique important, mais c'est possible de l'utiliser parce qu'on a ça dans notre mission statement. À l'opposé, la Poste. La Poste, quand elle a été créée, on a mis dans ses statuts qu'elle a le monopole de la transmission de la lettre missive. La lettre missive, c'est une lettre de M. Van Pieterzeel à Mme Chauve. Une lettre de Mme Van Pieterzeel à M. Chauve. Mais c'est de personne à personne. Donc d'une lettre d'une entreprise à une autre, une facture par exemple, ah ça c'est pas couvert par le monopole de la Poste. Ouf, il y a déjà tout un marché qui n'est pas protégé. Et puis, se replace dans les années 70-80 et un fax qu'on envoie. Ah non, ça c'est pas prévu dans le monopole. Donc ils ont raté la vague du fax. Et puis est arrivé Internet dans les années 90. Et une communication par Internet par email, c'est couvert par le. Ah non, c'est pas couvert par le monopole. Parce que c'est pas une lettre missive d'une personne à une. Et bref, suite au caractère trop restrictif de la mission. Ils ont raté toute une série de marchés auxquels ils auraient pu s'intéresser. Et aujourd'hui, s'ils avaient dit, nous, ce qu'on va faire, c'est assurer que les entreprises et les personnes puissent communiquer à distance, ben, ils seraient les rois du smartphone. Peut-être. S'ils avaient agi suffisamment à temps. OK ? Ben voilà toute une série de marchés qui leur ont échappé. Le colis. Ah, ça, c'est pas pour eux, hein, c'est pour DHL, c'est pour FedEx. Et maintenant, comme la lettre, il n'y a plus personne qui envoie des lettres, ben, ils essayent d'attaquer le marché du colis. Et ils y arrivent, mais au prix de quelles modifications internes, c'est colossal. Et ça coûte beaucoup d'argent parce qu'on utilise maintenant des moyens qui n'étaient pas prévus pour ça, à faire autre chose que ce pour quoi ils étaient prévus. Et donc ils attaquent ce marché-là face à beaucoup d'alternatives et de concurrents tard, alors que les autres ont déjà beaucoup progressé dans ce domaine-là, et avec des moyens qui ne sont peut-être pas suffisants par rapport aux gros acteurs qui y a déjà sur le marché, même des gros acteurs qui sont des postes étrangères, comme par exemple, il y a énormément qui est livré en Belgique par PostPulteNel, qui est la poste hollandaise. À commencer par tous les folders que vous recevez dans vos boîtes aux lettres tous les mardis pour la promotion du jeudi, c'est PostPulteNel qui les livre. Hein. Alors, ils font beaucoup d'efforts. Hein, ils ont engagé de plus en plus de gens dans le marketing chez le poste pour le devenir. Ils réussissent à tirer leur épingle du jeu. Hein, mais ça n'est pas facile parce qu'ils viennent de loin. Et le rimage n'est pas nécessairement très cohérent avec l'idée d'efficacité, l'idée de rapidité, l'idée de. Bref, tout ce qu'on demande à un service. Alors, les aspects stratégiques qu'on va voir en marketing, c'est quoi ? C'est répondre à des questions comme qui est-ce qu'on veut être ? Ça, c'est le mission statement. C'est quoi notre marché ? Il va de où à où ? Par exemple, la monnaie, on reprend toujours. Aujourd'hui, je vais prendre la monnaie. Comme exemple, la monnaie. Ah. Est-ce que c'est uniquement des spectacles qui se passent à la monnaie ou bien est-ce qu'on décide qu'on peut s'exporter aussi et aller jouer dans les arènes de Vérone, par exemple ? C'est sympa, ça, non ? Hein ? Amener notre orchestre, nos chanteurs, nos chœurs et nos techniciens dans les arènes de Vérone où il y a un public de 60 000 personnes pendant l'été et où le son est absolument merveilleux. C'est chouette. Est-ce que ça fait partie de notre stratégie ou pas ? Assez peu pour le moment. Quels sont les segments de marché ? Et de nouveau, ça va dépendre d'une entreprise à une autre. Peut-être même que ça va dépendre d'une époque à une autre. Il y a des segmentations de marché qui étaient très stables pendant toute une partie de l'histoire et puis qui, suite à une invention, ou suite à une modification du comportement des consommateurs, fait que cette segmentation-là n'est plus la bonne et qu'il faut penser à autre chose. On va voir ça quand on abordera la segmentation. Parmi les segments existants sur le marché, quels sont ceux qui nous intéresseront le plus ? Comment est-ce qu'on peut le savoir ? Déjà, il faudrait qu'on sache qu'on ait des idées sur les volumes, par exemple. Ou qu'on ait des idées sur les comportements d'achat. Donc, il nous en faut une description quantitative et qualitative. Pourquoi est-ce qu'une maman décide d'acheter du Nutella plutôt que du Alditella ? Vous avez déjà goûté le deuxième ? Vous voyez, il y a même un blocage pour goûter. Il serait intéressant de savoir pourquoi. Alors que tout le monde sait que c'est pas bon le Nutella. Hein. C'est plein de saloperies. Hein. Mais c'est quand même ça que les enfants veulent. Les brocolis. Comment est-ce qu'on peut vendre les brocolis ? C'est bon pour la santé. Ah ouais, c'est le meilleur des aliments. Quelle est la différence entre les brocolis et les crottes de nez ? Vous n'avez jamais eu l'occasion d'essayer de faire avaler des brocolis à vos enfants. quels sont nos objectifs? Parce qu'on a une capacité de production limitée, je veux dire. Parce qu'on a une capacité de production limitée, on a X chanteurs, on a un budget de autant, donc non, pas Carreras et pas José Varela. Non, je sais maintenant, on ne sait pas le faire, mais ça va coûter beaucoup trop cher. Mais par contre, celui qui a gagné le concours de chant de Reine-Elisabeth l'an dernier, ah, il en peut se permettre. D'autant plus qu'il nous est proche. Et les objectifs, on les va les fixer aussi en fonction de nos souhaits personnels. Moi, je n'ai pas envie de faire du Benjamin Britten parce que c'est de la musique incompréhensible. J'ai envie de faire des œuvres qui soient compréhensibles par la plus large partie de la population. Et donc, pas de musique sérielle chez moi. Pas de musique électronique chez moi, parce que j'ai pas envie. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de vous orienter sur certains marchés. Je vais vous donner un autre exemple moins pathologique. Vous êtes une industrie chimique. Il y a un énorme marché qui fonctionne à tous les zincs pour le moment, c'est le marché des explosifs militaires. Vous êtes capable de le faire. Si vous avez Dupont de Nemours, qui est un des plus gros chimistes du monde, et que vous avez inventé la dynamite, ou plutôt le TNT, trinitrotoluène, produit chimique, explosif, vous avez inventé ça. Vous avez envie de vendre de la poudre à canon, des cartouches et des explosifs du C4 pour les terroristes. On peut avoir envie pour faire le pognon et on peut avoir des valeurs qui disent non, ça j'ai pas envie de faire. Voilà. J'ai un de mes clients qui s'appelle, vous connaissez les magasins Trafic ? Voilà. Il n'y en a pas en Flandre. Parce que les frères marchandises, qui sont les patrons de la boîte, quand ils ont créé les frères marchandises, ils habitent à Mettay, à côté de Couvain. C'est des Wallons. Et une jardin flamand. Et donc, ils ont envie d'aller chez les flamands, parce que une jardin flamand. Donc, ils préfèrent essayer d'envahir le nord de la France plutôt que de se développer sur la Flandre. Alors que. Il y a plein d'acheteurs en Flandre qui achètent exactement les produits qu'eux vendent. Et qui tire son épingle du jeu en Flandre sur ce marché-là, c'est les magasins Action, qui sont hollandais. Et ça fonctionne à tous les zincs en Flandre. Donc, il y a un marché, il y a le consommateur, il y a les prix qu'il faut, ils ont le pouvoir d'achat, la puissance d'achat pour servir ce marché-là en Flandre, mais ils n'ont pas envie de commencer à apprendre à parler flamand et faire de la pub en flamand et d'avoir des magasins avec du personnel flamand qui ne saurait pas gérer parce qu'ils viennent d'un flamand eux-mêmes. Ben voilà, c'est un choix qu'il faut respecter. C'est peut-être pas très malin stratégiquement, mais ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Par contre, ils ont décidé de se lancer dans la mode à un moment donné et ils ont fait des magasins de mode qui ressemblent un peu à JBC ou à EVF Mode, des choses comme ça. Alors, quel nom on va donner? Alors, ils ont trouvé un chouette nom. Modano. Modano. Oui, il y a l'idée de mode dedans. Mais... Anno, ça sonne un peu italien, ça, Modano. Donc, Modena. Non, c'est pas pour ça. Parce que, comment on va appeler ça? Bah, je crois, c'est notre Modano. Véridique, hein. C'est pas comme ça que je vous recommanderais de construire un brand, hein, mais c'est tout à fait véridique. C'était encore une PME. Deux personnes tout à fait charmantes et brillantes. Hein, et en fonction de nos possibilités de différenciation, parce qu'il y a des différenciations qu'on sait faire et il y a des différenciations qu'on ne sait pas faire. Par exemple, si vous êtes une PME, essayer de vous différencier par le prix, c'est pas une bonne idée. Je veux dire prix moins cher. Prix plus cher, ça c'est par contre peut-être une bonne idée. Mais prix moins cher, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que si vous êtes une petite entreprise, il y a de fortes chances que votre coût de production soit beaucoup plus élevé que celui d'une grosse entreprise. Et donc, la grosse entreprise peut, elle, très bien casser son prix plus bas que le vôtre et vous tuer très rapidement. Donc, se différencier par le prix bas quand on est une petite entité, c'est rarement une bonne idée. D'accord ? Donc, voilà des décisions stratégiques qu'on va devoir prendre en marketing. Bien, mais pour ça, il faut bien connaître son marché. C'est la première des choses qu'on va devoir faire. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est des décisions qui doivent être prises avant qu'on commence à faire de la communication. Hein. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez dire, à quelle cible, pourquoi, ben ça ne sert à rien de commencer à faire de la pub. Hein. Par exemple, le premier panneau routier sur lequel vous tombez quand vous revenez de vacances en passant par le Luxembourg, vous allez prendre de l'essence sûrement. Hein. Vous passez la frontière belge, c'est pas difficile, c'est là où il commence à pleuvoir. Le premier panneau sur lequel vous tombez, c'est un panneau avec une espèce de sanglier stylisé qui vous dit une ardeur d'avance. D'accord. Alors, le camionneur qui vient de Sicile avec des mandarines et qui va les conduire jusqu'à Amsterdam, il passe là-devant. Qu'est-ce qu'il pense ? Lève le pied, il risque d'y avoir des bêtes sauvages qui vont traverser. S'il connaît le français, il lit une ardeur d'avance et il se dit quoi ? Lui, il n'y en a pas à comprendre. Hein. Et vous, vous comprenez ? Et pourtant, c'est une idée géniale, non ? Ça vient d'un repas probablement un peu arrosé entre ministres, hein, où il y en a un qui a dit à l'autre, alors on va faire quelque chose pour les Ardennes quand même. Hein. On est Ardennais, tout ceci, non ? Le symbole, c'est quoi ? C'est le sanglier. Hein, donc, j'ai trouvé un truc, tiens. Ardennes, ardeur, hein, une ardeur d'avance. Ça va le faire, ça va en train, ça va en train, allez, quand même tourner. On ne sait pas ce qu'on veut dire à qui. Attends, est-ce que l'Ardenne est un pays de développement technologique ? En quoi sont-ils en avance en Ardenne ? L'avance sur quoi ? Et pourquoi Ardennes égale ardeur égale sanglier ? Il n'y a vraiment que les gens du Marron qui savent ça. Hein. Et donc, on ne sait pas ce qu'on veut communiquer à qui, mais on le fait déjà. Hein. Ça, c'est typiquement le genre de com que je voudrais que vous évitiez parce que vous savez ce que c'est que le marketing. D'accord ? C'est quand on met la charrue avant les bœufs. On se met à faire de la pub avant de savoir pourquoi. Ça, la plupart du temps, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. D'autant plus que la symbolique utilisée, enfin, je vous en ai expliqué quand on parlera du même. Bon, connaître son marché, eh bien, on va voir ce qu'il faut savoir de son marché et comment. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit connaître son marché ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour connaître son marché ? D'abord, il y a des analyses internes. On doit savoir qui on est, objectivement. Alors, j'ai comme ça, pour le moment, une entreprise qui dépend de la mutualité socialiste et qui se pose des questions. Ils ont des mains, ils vendent des lunettes pour leurs affiliés. Mettre les lunettes à la portée même de l'ouvrier de façon à ce qu'ils puissent les avoir pas cher. Voilà une belle idée de Mission State. Mais qu'est-ce qu'ils savent bien faire ? Ils savent gérer une mutuelle. Est-ce qu'ils savent vendre des lunettes ? C'était de moins quel genre de lunettes? Qu'est-ce que vous attendez d'une paire de lunettes? Ce qui importe. Pardon? D'abord, qu'elle améliore votre vue. Bon, ça, c'est le principe de base. Mais ça, tous les opticiens le fournissent. Pardon? Ah, voilà. Il faut aussi que ça vous fasse un joli visage, que ça corresponde à votre style, que ça tienne compte de la forme de votre visage aussi, de la couleur de vos yeux peut-être même. Et donc, il y a tout un aspect émotionnel autour. Acheter des verres, ça y saurait faire. Mais s'occuper de l'aspect émotionnel qu'il y a dans la vente de lunettes, aspect esthétique, etc., est-ce qu'on sait faire ça quand on est une mutuelle? Peut-être pas au départ, mais peut-être qu'on peut se doter de ces compétences-là aussi. Voilà. Et donc, qui on est, quelles sont nos forces intrinsèques? C'est la première question à se poser. En quoi est-ce qu'on se distingue des autres? J'ai rencontré hier soir un type fabuleusement intéressant. Il est médecin et ingénieur électronicien. Et il a décidé de lancer une entreprise qui fabrique sur base d'imprimantes 3D des prothèses pour réparer les jambes. Vous vous êtes cassé la gueule à moto, vous avez la mâchoire, l'os maxillaire démoli, il vous en reconstruit un qui est symétrique par rapport à la partie gauche, il vous en reconstruit un imprimante 3D avec du plastique. Waouh! Quel chouette apport à la cité, non? Son savoir-faire se distingue parce qu'il est ingénieur et médecin spécialisé en chirurgie maxillofaciale. Waouh! Voilà en quoi il se distingue. Un mec bien. Un beau parti. Il a des compétences utiles pour le client. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment le faire savoir. Ça, c'est pas dans ses compétences. Il est brillant sur le plan technique, mais personne ne le sait. Ben, il a besoin de marquer. Et lui, il n'a pas les compétences pour, donc il vaudrait peut-être mieux qu'il se dote d'un partenaire qui lui les a. Vous voyez? Ben, ça, c'est le genre de réflexion qu'on va faire dans notre analyse interne. Et puis aussi, savoir quelle est notre notoriété et notre image. Est-ce que vous saviez que des gens comme ça existaient? Et donc, même on ne sait même pas qu'on peut faire des os maxillofaciaux en plastique. Et qu'en plus, on sait les faire avec une imprimante 3D à la con, sur laquelle d'habitude on produit des porte-clés ou des imbécilités comme ça. Des schtroumpfs. Donc, pas de notoriété et pas encore d'image. En plus, il est de l'université de Liège. Vous voyez déjà l'image? Je plaisante, hein? Donc, vous avez vu l'université de Liège aussi, donc. Quelle est notre part de marché? Ben, pour le moment, zéro. Parce que pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est rapiécer l'os existant. On essaye en laboratoire de produire de l'os artificiel, enfin du vrai os, mais produit autrement que dans le corps humain. Ou alors on fout des prothèses en titane qui tiennent 15 ans. Et après 15 ans, ça pète ou ça s'use. Donc pour le moment, part de marché nulle, mais potentiellement grand. Le service ajouté, ben, le service après non. Le gars qui fout une prothèse de la hanche, il doit savoir que dans 15 ans, elle va s'user, que cette personne va tomber, qu'elle va se recasser le col du fémur et qu'il va falloir remplacer la prothèse. Et donc, il faut la prévenir. Il faut l'éduquer à qu'elle prévienne dès que ça arrive. Ou dès qu'elle sent que ça va arriver. Donc, il faut entretenir la relation. Et puis la structure de coût. Ah ben, si vous achetez des prothèses en titane, ça va coûter bonbon. Si vous produisez vous-même des prothèses en plastique, ça va coûter beaucoup moins cher. Donc là, on a un avantage compétitif énorme. Par contre, j'ai pas encore de force de vente. Mais si elle casse pas, ça veut dire qu'on n'en fait qu'une pour une personne, alors qu'une prothèse en titane, qu'on va refaire plusieurs fois pour la même personne et qu'elle va se casser. Obsolescence programmée, c'est la conclusion. Évidemment. Mais vous voyez, c'est un médecin, lui. Il a quelques valeurs. Mais il ne pense pas à l'obsolescence programmée. Pour lui, son objectif, c'est de soigner les gens et d'apporter son savoir pour que les gens vivent mieux. Oui, mais pour trouver des financements en face à des personnes qui, elles, t'intéressent plus au profit. Oh, mais attendez. Si il arrive à développer son entreprise, quel est le marché? C'est pas Liège, hôpital de chirurgie maxillofaciale. The world is the limit, hein. Et puis c'est pas que le maxillaire, hein. C'est les fémurs aussi. Et puis, s'il sait le faire, il est en train de préparer des formules de matière osseuse de l'os, mais fabriquée artificiellement aussi. Et puis alors, mais tout compte fait, avec un produit aussi léger, aussi techniquement pointu, c'est au micron près la précision du truc. Mais tout compte fait, dit dans l'industrie spatiale, envoyer des fusées qui pèsent lourd parce que les satellites sont faits en métal, ça coûte une fortune. Si les satellites étaient faits en plastique, ils tiendraient beaucoup plus longtemps, ils seraient plus précis et ça coûterait moins cher de les envoyer. Donc il y a un potentiel dans l'industrie spatiale aussi, vous voyez? Et donc, il y a moyen de faire du pognon aussi, hein. C'est pas interdit, hein, quand on est médecin. Et donc, il manque de force de vente pour le moment. À part moi qui dis du bien de lui, pour le moment, personne ne sait qu'il existe. Analyse interne, donc, ben ça je vous ai déjà dit, structure de coûts, ressources financières, et puis les facteurs clés, ah ouais, le succès, la logistique. Vous connaissez une entreprise qui s'appelle Amazon.com? Je crois, hein. Quel est son niveau de rentabilité à votre avis? Amazon.com, il faut savoir que c'est la plus grosse capitalisation boursière du monde du commerce et ils n'ont pas un seul magasin. Capitalisation boursière, ça veut dire que le cours de l'action multiplié par le nombre d'actions dans le marché est terriblement élevé. Ils font 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais quelle est leur rentabilité? Vous avez une idée? Eh bien, ils existent depuis 20 ans et c'est l'an dernier qu'ils ont fait pour la première fois du profit. Et pas beaucoup. Et vous savez pourquoi? Mais parce que vous livrez le livre que vous avez commandé. Vous avez commandé Mercator sur Amazon.fr, puisqu'il n'y a pas de Amazon.be. Amazon.fr, là, dans son entrepôt, quelque part du côté de Grenoble. Et il vous l'a fait livrer par PostPulitainel ou bien Deutsche Post. Ou Chronopost en français. Et donc c'est arrivé de Grenoble, il a fallu qu'il ait le stock dans un entrepôt à Grenoble et qu'on envoie un coursier spécialisé pour l'envoyer jusque chez vous. Il l'a présenté à 15h et vous étiez au cours à ce moment-là. Donc il doit revenir le lendemain, vous le représentez à une autre heure. Vous vous rendez compte de ce que coûte la transaction logistique? Le fait d'avoir du stock, le fait d'avoir un entrepôt, le fait de louer des camions, des livreurs qui vont devoir en plus payer la route. Payer la route. l'essence, l'amortissement du camion, et le bonhomme qui conduit et qui vient vous le livrer deux fois. Alors je passe de l'exemple Amazon à l'exemple Zalando. Vous avez commandé 5 paires de chaussures, vous les essayez et vous en gâtez une. Et vous remballez les 4 autres. La logistique inverse, ça coûte encore plus cher, évidemment. Eh bien, il y a plein de gens qui se lancent dans l'e-commerce et qui ne se rendent pas compte que ça ne va pas être rentable parce que l'aspect logistique coûte une fortune. Et que la marge qu'on fait sur un livre est de loin inférieure au coût que ça coûte de livrer le livre. Voilà pourquoi Amazon.com n'a pas été rentable jusqu'à présent. Et moi, j'ai jamais compris comment les actionnaires acceptaient ça. Si vous dites à un banquier, je vais ouvrir un commerce et je serai rentable dans 20 ans, je ne crois pas qu'il va vous prêter beaucoup de pognon. Hein. Or, c'est ce que les actionnaires d'Amazon ont fait en achetant l'action et en rachetant l'action, malgré son prix qui monte. Le price earning. Le prix que vous payez par rapport aux bénéfices qu'ils font est énorme. Mais tout le monde y croit parce que tout le monde a déjà commandé sur Amazon.com. Donc, quand vous avez des facteurs de succès, est-ce que vous avez la logistique pour... Je vais vous donner un exemple. Venteprivé.com, vous connaissez ? C'est le roi du macadam en France dans la vente par Internet de vêtements. Lui, il est rentable parce qu'il achète d'occasion, enfin pas d'occasion, mais il achète les stocks d'invendus et il les réserve, il les stocke pas. Donc il dit, vous me réservez autant et si je les vends, alors je les achète. Donc c'est la consignation. Donc il prend pas de risque et il tire encore une marge parce qu'il sait négocier à l'achat. Donc son business model, il est à l'achat. Et il y a des tas de gens qui décident de se lancer parce qu'ils ont vu venteprivé.com dans la vente de fringues par Internet et qui font, pour la plupart, moins de 100 livraisons par mois. Ça veut dire qu'ils travaillent dans leur garage avec tonton et nénène et leur neveu et leur beau-frère, quoi. Et que madame s'occupe des papiers et que ça va pas aller très loin, ça. Et donc, est-ce que j'ai la capacité logistique pour le faire ? Est-ce que j'ai la recherche et développement pour produire de la matière osseuse artificielle ? Est-ce que je fais de la pub qui me fait connaître ? Ou de la communication marketing qui me fait connaître ? Est-ce qu'à votre avis, ce serait de la pub qui devrait faire le médecin qui fait des prothèses ? Comment est-ce qu'il va se faire connaître ? Probablement, donc, ce qu'il a besoin, c'est un bon vendeur. Quelqu'un qui va aller trouver les chirurgiens maxillofaciaux et qui va leur dire, attendez, vous travaillez encore en préparant de l'os. On a mieux maintenant. Ça va aller beaucoup plus vite. Moins de problèmes d'asepsie. Et on peut être beaucoup plus précis. C'est pas du rafistolage. C'est du neuf. Voilà des arguments. Donc, en fait, c'est pas de la pub qu'il va faire. C'est de la force de vente. Ou c'est de la communication à des colloques de médecins. Ça, ce serait pas mal. De la relation publique, quoi. Vous voyez ? Donc, il y a mille et une manières de communiquer en fonction du type de business dans lequel vous êtes. Deuxième type d'analyse qu'il va falloir faire, c'est l'analyse concurrentielle, bien sûr. C'est de se préoccuper de ce que font les alternatives. Ils sont sur quel marché, eux ? Ils sont déjà forts sur ce marché, eux ? Ou pas ? Est-ce que je sais apporter une différence par rapport à eux sur ce marché ? Quelle cible vise-t-il en particulier ? Donc, les connaître, les comprendre, aller même jusqu'à savoir comment ils décident. Par exemple, si votre concurrent est une boîte américaine, il serait important de savoir si cette boîte, les décisions produites et les décisions marketing se font où ? En Belgique ? Ou dans les quartiers généraux américains ? Si Si votre concurrence est Caterpillar, ben, croyez-moi, les décisions, c'est aux États-Unis qu'elles sont prises. Donc, il faut avoir des infos vachement pointues, quand même. Comment est-ce qu'on va obtenir ça? De la veille concurrentielle. De la veille concurrentielle, exactement. Vous nous expliquez ce que c'est, vous qui avez déjà pas mal de notions de marketing? C'est quand on envoie des gens dans l'entreprise, parfois de manière, ça peut être à la limite du légal, pour avoir des informations sur leurs objectifs stratégiques futurs, les produits qu'ils sont en train de développer, leur perspective d'avenir, etc. En termes, par exemple, de délocalisation, des choses comme ça. D'accord. De l'espionnage industriel, vous voulez dire. Ouais. Donc, je plaisante, mais c'est clair qu'en marketing, on va utiliser souvent des euphémismes, ce genre-là. C'est très vilain de dire espionnage industriel, évidemment. Donc, on parle de veille concurrentielle. On va parler de intelligence, qui en américain veut dire espionnage. Hein? Marketing intelligence, ça fait quand même mieux que de dire espionnage industriel. Hein? Donc, il y a une limite que votre éthique va déterminer. Il y a des choses qu'on peut obtenir très facilement. Hein? Parce que c'est dans leur pub, hein? C'est dans leur communication. Si vous allez sur le site internet de vos concurrents, vous allez trouver plein de trucs sur leur stratégie, sur le pricing, sur les nouveaux produits qu'ils amènent sur le marché. Il y a moyen d'obtenir plein d'informations en faisant simplement de la veille. Oui, vous mettez une équation sur votre ordinateur, sur Google, disant chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort à propos de prothèse chirurgicale, je veux le savoir. Ça, c'est faire de la veille de marché. Et chaque fois que mon concurrent publie quelque chose, vous êtes au courant aussi. Ça, c'est de la veille concurrentielle. Alors, vous allez plus loin dans la veille concurrentielle. Par exemple, vous avez tous entendu parler de ce cas en Formule 1, où on a engagé l'ingénieur en chef de chez McLaren dans un autre team. Et comme ça, on a compris comment ils étaient arrivés à faire une carrosserie qui était beaucoup plus aérodynamique que les autres. Bah, c'est aussi faire de la veille concurrentielle, éventuellement d'engager des gens chez le concurrent. Ou d'aller faire travailler. Alors certains ont aussi imaginé d'envoyer un étudiant faire une enquête. C'est pour un mémoire. Bref, il y a des tas de moyens. Depuis les plus nobles jusqu'aux moins nobles, à vous de déterminer où se trouve la limite de votre éthique. Mais je vous recommande quand même de la mettre haut. Oui, absolument. Mais ça n'est pas illégal. C'est non éthique. Pas illégal. C'est pas illégal. Hein. C'est pas illégal. Hein. Savoir ce que votre copine avait sur son smartphone, c'est pas illégal. Hein. Non, mais aller jusqu'à hacker, on est d'accord, ça n'est éthiquement pas acceptable, pour moi en tout cas. Donc, va voir pourquoi ça nous arrive. Non. Il n'y a rien en droit qui vous l'empêche. Ouais. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Tout à fait. Tout à fait. Mais cette clause-là, même si elle est dans le contrat, est illégale. Ah oui, elle est contre la circulation des biens et des personnes. Donc, ça ne tient pas devant un tribunal. Je ne suis pas juriste, mais je sais que cette clause ne tient pas devant un tribunal. Par jurisprudence, on estime qu'une personne a tout à fait le droit d'aller travailler ailleurs. On ne peut pas, en tant qu'entreprise, empêcher quelqu'un, une fois que le lien de subordination est rompu, de travailler chez un concurrent. Ça me paraît légitime. Non ? Donc, vous vous rendez compte qu'en marketing, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre, non pas de la loi, mais de votre éthique. Donc, il est grand temps que vous vous fixiez une idée de ce qu'est votre éthique. OK ? Alors, c'est quoi l'éthique ? Ben, chacun a sa définition. En ce qui me concerne, je pense, première chose, ça doit être dans le cadre des lois. Ça doit être légal. Transgresser la loi existante ne peut jamais être éthique. Première chose. Deuxièmement, ça ne doit jamais amener des choses à faire à quelqu'un des choses qu'il ne ferait pas normalement. Troisièmement, je veux pouvoir être fier de ce que j'ai fait. Et ça, c'est tout à fait personnel. Et ça, ça dépend de vos valeurs. Par exemple, moi, j'accepte pas de mission qui travaille pour de l'armement. Pourtant, on m'a fait proposer de faire le marketing pour la FN. Je dis non. Voilà. J'ai pas envie de promouvoir tant d'armes, y compris les gens qui vont se taper sur la gueule après. Donc, voilà. Ça, c'est non pour moi. Mais c'est ma décision à moi. Par rapport à mes valeurs, donc à vous de fixer les vôtres. Okay. Et de redéfinir votre sens de l'éthique. Si je fais de l'espionnage industriel en envoyant un étudiant soi-disant dire qu'il il fait une étude de marché et puis vendre cette information-là à un concurrent, je ne suis pas fier de moi. Et donc je considère que c'est non. C'est important d'en avoir en marketing. Hein. Parce que malheureusement, tout le monde ne partage pas sa vie. Bien. Veuillez peut-être l'heure. Attendez, on a une de vos collègues qui souhaite faire une communication.